Vous écoutez Une fille, un podcast, et c'est un hors-série, et oui, ça faisait longtemps, donc là c'est le hors-série numéro 5. J'ai donc le plaisir pour ce hors-série d'avoir eu une discussion avec Phil Good. Le thème c'était la SF, la science-fiction, comment nous on l'aimait, comment nous on la regardait, comment nous on la lisait. Et du coup, voilà, je vous ai extrait une partie de cette discussion qu'on a enregistrée. Alors pourquoi un hors-série ? Ben c'est tout simplement parce qu'on était parti sur un tête-à-tête, vraiment, hein, sincèrement, mais on a failli parler de podcast. Et puis ça s'est fait autrement. Alors, donc c'est un hors-série parce que je savais pas trop où caser ça. J'ai pris beaucoup de plaisir à avoir cette discussion, donc j'espère que ça vous fera aussi plaisir de l'écouter. Si vous avez envie d'en parler ou de me donner vos avis, vous nous retrouvez sur Twitter. Vous pouvez également envoyer un mail, si vous voulez, unefilleunpodcast@gmail.com ou des commentaires sur l'article, voilà. Qu'est-ce que je voulais dire d'autre ? Sachez que de tout ce dont on a parlé, on ne spoile rien. On donne envie, mais on ne raconte pas à la fin. Donc vous ne saurez pas qu'à la fin, tout le monde meurt, parce que ça, je vous l'expliquerai pas. Même si quand même, à la fin, tout le monde meurt, en général. Ou pas. Et c'est un épisode où on est sérieux, donc ça peut peut-être être perturbant pour certains de ne pas nous entendre dire que des conneries. À la fin de cet épisode, si vous êtes encore là au bout des 2 heures, j'ai eu l'agréable surprise d'avoir de la visite, et donc le troisième intervenant dans ce podcast, vous l'entendrez à la fin, et c'est cool. En tout cas, c'est cool pour moi. Vous, je sais rien, mais moi, oui. Bon, voilà. Je vous dis à la prochaine fois pour un épisode plus conventionnel, normal, dans l'hypothèse où je fais des épisodes normaux. Je vous souhaite une bonne écoute et ciao. Vous écoutez Une fille, un podcast. C'est un tête-à-tête avec Phil. Salut Phil. Bonjour Karine. Merci d'être venu enregistrer avec moi. Ah, je suis content de t'avoir là en fait. On va pouvoir parler de plein de choses parce que on m'a dit ah mais c'est bien en fait que tu fasses un podcast sur les podcasts parce que ça permet de parler de tout sauf de podcast en fait parfois. Donc ça tombe bien. Je suis sûre qu'avec toi on va parler de plein de trucs. Ah possiblement. Et pourquoi j'ai eu cette idée ? C'est parce qu'en fait, je t'ai écouté, je t'ai entendu dans un TechCraft où tu as commencé à parler un peu de science-fiction et notamment de séries. Et tes collègues du podcast t'ont coupé alors que ça devenait passionnant. Tout ça pour que eux puissent parler. Je me suis dit non. C'était pas dans la ligne éditoriale de TechCraft de parler de séries et de parler de science-fiction. Voilà, c'est ça. Alors, même si je pense que c'est vachement lié au final. Moi, je me suis dit, je vais récupérer le bébé. C'est moi le bébé ou c'est le sujet ? C'est le sujet. Ah, parce que les deux pouvaient s'appliquer. Hein. Grand gamin. Moi. Petit con. Exactement. D'accord. Voilà, donc je te propose qu'on parle SF aujourd'hui. Entre autres, ouais. Donc on va pouvoir parler de ce qu'on aime. Enfin, je pense que si t'en as parlé comme ça la dernière fois, c'est que t'aimes bien. J'aime bien, mais je suis pas un puriste. Un puriste, voilà, c'est ça. C'est-à-dire que je pense que ce que je vais dire là, il y a pas mal de puristes qui vont me tomber sur la gueule. Ah, ça va. Ça va faire grincer des dents. Complètement. Ah, je pense qu'ils vont plus que grincer des dents. Ils vont se les péter les dents à ce niveau-là. Tu vois, c'est tellement ils vont serrer fort la mâchoire. Quoi. Bon, moi c'est un domaine que j'aime beaucoup. Alors, je suis ravie d'avoir quelqu'un pour en discuter avec moi. Et peut-être même qu'on parlera de podcast. Oh, c'est possible. Mais pour revenir sur le fait qu'il m'ait coupé dans TechCraft, le truc, c'est que j'ai l'impression que les gens ne se rendent pas compte à quel point la technologie qu'on a là, à l'heure actuelle, la SF, elle est à l'origine de pas mal d'entre elles, quoi. Ne serait-ce que, je vais te donner un exemple, tu te rappelles des Motorola StarTAC ? Ça te dit quelque chose ? Alors, si tu vois pas ce que c'était les premiers portables qui s'ouvraient en clapet. Ouais. Bon, et ben ça a été direct, et c'est pour ça que ça s'appelait StarTAC d'ailleurs, c'était directement inspiré de la série Star Trek. que je connais très mal, la série de Star Trek. J'ai regardé deux, trois épisodes quand j'étais gamin sur Canal Jimmy. Mais si tu veux un exemple tangible d'influence de la science-fiction sur la technologie de nos jours, t'as cet exemple-là sur lequel tu peux pas trop argumenter, quoi. Mais je sais pas, moi, prenons ne serait-ce que l'intelligence artificielle. L'intelligence artificielle, on l'a eu dans la science-fiction largement avant qu'elle soit vaguement atteignable de nos jours. Sauf faut être honnête, hein, elle est vaguement atteignable de nos jours. On n'est pas encore à ce qu'on a rêvé dans la science-fiction. Notamment avec Asimov, les trois lois de la robotique, qui sont toujours inapplicables, hein, d'ailleurs, et qui seront à mon avis toujours inapplicables. Parce que tu ne dois pas blesser un humain ou ce genre de choses, c'est bien, mais va définir pour un ordinateur ce que c'est blesser au sens large, tel que nous on l'entend. Va définir ce que c'est un humain, au sens où nous on l'entend. Ces définitions-là, là, à l'heure actuelle, telles qu'on appréhende l'informatique, parce que ça se trouve, on aura un jour une révolution, je sais pas, moi, imaginons les ordinateurs quantiques qui sont capables de saisir des nuances. Pourquoi les ordinateurs quantiques, je sais pas, mais c'est juste que c'est un peu moins binaire, enfin, j'ai pas trop compris comment ça marchait. Et je pense que, honnêtement, personne sait comment ça marche, si j'ai bien compris y penser, et Computer File, qui est une série que, enfin, une série, une chaîne YouTube que je regarde, où justement ils expliquent plein de trucs sur l'informatique, qui me sert vachement à préparer mes chroniques de TechCraft, d'ailleurs, au passage. Au sens qu'ils prennent un sujet bien déterminé, comme par exemple, dans pas longtemps, je vais faire une chronique sur les claviers, l'encodage des caractères et comment ça marche. Et donc, en général, eux, ils ont déjà fait un truc avant, qui est beaucoup plus haut en niveau, hein, que ce que je vais faire. Mais tu vois, ça me permet déjà de mettre les idées dans l'ordre. D'accord. Et après de me dire, bon, ça, je vais laisser de côté, ça, par contre, c'est intéressant à développer, etc. Et donc, ils avaient fait un truc sur l'ordinateur quantique, et ils disaient que même, enfin, les gens savaient pas non plus trop comment ça marchait eux-mêmes, alors qu'ils étaient capables d'en faire un, d'ordinateur quantique. Ce qui, en soi, m'a déjà bluffé, parce que j'ai bugué, en fait. Tout simplement, j'ai pas compris. Donc, c'est pour ça, du coup, on peut y appliquer tous les fantasmes qu'on veut, tu mets quantique dessus, puis tu peux appliquer tous les fantasmes que tu veux. Donc du coup, demain, avec des ordinateurs quantiques, on pourra avoir une intelligence artificielle qui comprend des concepts que nous ne sommes pas capables de comprendre. Voilà. Juste parce que j'ai mis quantique dedans, cette phrase est éventuellement plausible. Ouais. Ouais, ça te fait rêver. Moi, ça me fait pas vraiment rêver. Hein. Deux. D'imaginer un monde comme ça, ça me donne pas envie. Hein. Bah, c'est le problème de utopie ou dystopie, quoi. C'est-à-dire que t'as 1984, tu vois, qui fait toujours peur. Et d'autre côté, t'as le petit geek qui est en moi, qui fait putain comment ils sont arrivés à faire ça. C'est jamais exactement comme on l'avait imaginé. Prenons les voitures autonomes que tu avais. Moi, celle qui m'a marqué de toutes les voitures autonomes que j'ai vues dans les trucs de science-fiction, c'était celle dans À l'aube du sixième jour. Je sais pas si tu te rappelles, c'était un film avec Schwarzenegger, deux fois du coup, vu que c'était un film sur le clonage. Tu l'as vu ou pas? Non. Ça me dit quelque chose, oui. C'est assez vieux, hein. Ça date du début des années 2000, donc entre, je dirais, 2001 et 2005, dans ces eaux-là. Ça commence pas avec l'histoire d'un chien. Si, justement. C'est ça. Le chien, il meurt et il clone le chien. C'est le début. On est bien d'accord que de ce dont on va parler, on va pas raconter les fins. Non, on va pas raconter les fins. Non, mais il vaut mieux prévenir quand même au départ qu'on va pas raconter la fin de tout ce qu'on va aborder. Si tu parles de la fin, en général, en science-fiction, je trouve les trois quarts du temps que les fins sont décevantes. Ah. Dans les œuvres de fiction scientifique, fantastique, tu vois, enfin c'est forcément décevant à la fin. Je vais donner un exemple de truc que les gens vont pas considérer comme de la science-fiction, comme ça ils vont commencer déjà à pouvoir grincer dedans. Ah, mais tu vas raconter tout de suite la fin ? Quoi ? Non. Non, je vais te donner un exemple d'auteur qui est pas considéré comme forcément de la science-fiction. Ok, vas-y, je t'écoute. Mais que moi, j'aime beaucoup parce que justement, il est dans cette démarche un petit peu scientifique de faire une simulation de ce qui pourrait se passer s'il y avait telle situation. C'est Stephen King. D'accord. Stephen King... Alors effectivement, je le considère pas comme de la science-fiction, je le considère plus comme quelque chose un peu plus thriller ou... Ouais, mais vu les sujets qu'il aborde... j'aurais tendance à le mettre dans de la science-fiction ou de la fiction scientifique, si on doit sortir un autre terme pour pas que ceux qui aiment beaucoup la science-fiction nous tapent sur la gueule. Ça dépend des bouquins. Ça dépend de certains bouquins peut-être. Bah, je vais en citer deux. Il y a Cellular et Under the Dome, qui sont pas forcément ses meilleurs, hein, d'accord, mais qui sont deux qui où je vais pouvoir expliquer un petit peu l'histoire sans raconter la fin, parce qu'il n'y a pas besoin de la raconter la fin, parce qu'en fond, au fond, on s'en fout, parce que ça peut que terminer d'une façon décevante. Cellular, le principe, c'est que les gens qui décrochent leur téléphone, à un moment, tous ceux qui étaient au téléphone, ils deviennent fous. D'accord. On ne sait pas d'où ça vient, mais dès que tu décroches ton téléphone et que tu le mets à l'oreille, ça te rend fou façon zombie, si tu veux. Donc au final, c'est un peu une œuvre de zombie, mais où le truc initial, c'est tous les gens qui étaient au téléphone sont dans cet état-là. Donc du coup, on est dans une situation où il y a quand même une majorité des gens qui se retrouvent à agir comme des zombies et de façon agressive, et au final, on est dans une espèce de The Walking Dead. Et tu vois que quelle que soit l'explication que tu peux donner au pourquoi du comment de ce phénomène, au final, on s'en fiche. Ce qui est intéressant, c'est ce qui va se passer. C'est la situation de survie qui va se mettre en place, ça va être l'interaction entre les personnages. Et là, effectivement, The Walking Dead est aussi un bon exemple, même si c'est pas du Stephen King. Je préfère en parler que de Stephen King, mais si tu veux... Non, je te taquine. la psychologie des personnages dans The Walking Dead, c'est le seul truc intéressant. J'ai cette discussion avec Poff régulièrement, où il dit « Ouais, mais The Walking Dead, il se passe rien. » Je lui dis « Oui, en termes d'action, c'est vrai que t'as pas des batailles façon Le Seigneur des Ados. Honnêtement, je me fais chier pendant ces batailles. Tu as justement ce... On est dans une situation qui est complètement hypothétique, mais on va faire agir l'ensemble des personnages et l'ensemble du monde selon des règles établies par l'auteur. On va s'y tenir et on va le faire se dérouler, et l'intérêt va venir du fait qu'on est dans une réalité alternative. Et donc sinon pour Stephen King aussi, pour l'autre truc Under the Dome. Du jour au lendemain, il y a un dôme qui apparaît au-dessus d'un village et qui l'enferme et qui le coupe du reste du monde, à la fois d'un point de vue des radiofréquences, même du son, juste ils peuvent voir à travers, et c'est tout. Et donc tu as l'armée qui réagit vis-à-vis de ça, tu as les personnes à l'intérieur, t'as le monde extérieur, toi tu le suis principalement de l'intérieur, mais tu as quand même deux trois indications sur ce qui se passe à l'intérieur, vu que le dôme à l'extérieur, vu que le dôme est transparent quand même, il y a deux trois échanges d'informations très limités qui se font. T'as aussi une dans la série en tout cas, t'as quelques flashbacks d'explications sur le background des personnages, mais au final tu te retrouves dans une grande série en huis clos par définition, vu que c'est ce qui a été c'est l'élément perturbateur. Enfin moi c'est même pas l'élément perturbateur, je dirais presque que c'est la mise en situation à ce niveau-là. C'est une mise en situation alternative qui est aussi élément perturbateur, et c'est ça qui est intéressant en soi. Tu te retrouves avec plein de personnages qui sont jetés dans une arène d'une situation improbable mais logique. Et ça c'est génial, ça c'est ça que j'aime bien. Alors pour toi la définition, on aurait dû mettre ça dans l'introduction en fait, on aurait dû faire une introduction. Oh merde, on aurait dû faire un plan en fait. Beaucoup trop d'organisation pour nous. Donc pour toi, la SF c'est plus quelque chose qui a plein de branches partout quoi. Moi quand j'ai commencé à m'intéresser à ça, j'avais beaucoup de mal de trouver vraiment exactement ce que je cherchais. Souvent c'est mélangé quand tu allais chercher un film. En fait j'ai failli dire dans un vidéo club, mais chez Vidéo Futur. J'ai eu avec peur ta carte Vidéo Futur. Avec tes 10 locations dessus. Donc c'est ça. On est vieux. Oh putain. Maintenant je te rappelle que j'ai 22 ans. Ouais, et moi 18 et demi. Ah, c'est ce que je disais, t'es un petit con. Ouais. Tout était mélangé, je trouvais ça dommage en fait. T'avais du gore, t'avais tout, en fait tout était souvent mélangé. Ouais, voilà. Et j'avais beaucoup de mal de trouver vraiment de la SF, de la pure SF. La SF d'intello quoi. Bon, bah, si tu veux. C'est-à-dire que si on range Transformers dans la SF, moi, j'aime pas la SF, quoi. Non, alors non, pour moi, c'est pas ça. Mais... Et pourtant, je suis sûr que ça doit se ranger là-dedans. J'aime bien Transformers, tu sais. Moi, j'aime bien, mais c'est pas ce que c'est, ça m'intéresse pas dans le titre, Non. ce sentiment que Moi, je le j'ai de. regarde juste parce que je trouve que la fille, elle est jolie. Elle me plaît. Elle me plaît beaucoup, cette fille, et la voiture jaune. Après, Ah, moi, c'est la l'histoire, voiture jaune, surtout. ah ouais, l'histoire, je Mais m'en ça fous va. complètement. Et puis, l'acteur principal, j'ai du mal parce que je l'ai vu dans une autre série toute pourrie quand j'étais ado, donc, ou peut-être pas ado. Enfin, bref. Comment que ça s'appelait? La guerre des Stevens. C'était nul, mais nul. Et du coup, Je connais même pas. ah, c'est, bah, un tir à Je veux dire, perdre. si ça a pas dû marquer des gens, quoi. Ouais, mais moi je suis bon public, tu sais. J'en regarde beaucoup de la merde. Et du coup, j'ai du mal de le voir ailleurs que là. Alors, bon, bref. Oui, du coup, tu vois le Transformers. personnage de Bon, la guerre des. Transformers, on est d'accord que c'est nul. Mais bon, c'est pas grave. La Mais fille, c'est elle est nul, oui et jolie. non. C'est. Les robots, ils sont jolis, Moi, c'est bien franchement, fait, je le regarde voilà. Mais aussi. Tu vois, bon, la même manière que je regarde Un je Fast and paye pas Furious, pour c'est que j'ai pas regarder honte de le ça. dire. Voilà, je vais le pirater par contre. Ah oui, là, c'est clair, hein, je vais pas me faire chier à aller le voir au cinéma. Non. Mais. La SF comme source d'inspiration, Bah, alors on en revient à c'est. la définition de la SF, Non, peut-être. non, mais c'est pas la définition. Je sais même pas comment tu peux définir la SF à l'origine, et j'avoue que je suis pas un expert, donc moi j'ai une définition personnelle qui est la science un peu en mode débridé, en sens la science des possibles. Mais Ouais, d'un un autre côté, t'as peu. la fiction dedans, donc quelque part, t'es censé avoir une histoire Ouais. qui va t'emmener quelque part, même si t'as le côté fictionnel, du sens de ça n'existe pas. Je sais pas trop comment définir la science-fiction. Puis t'as tellement de trucs en science-fiction, quoi. Ouais, c'est vaste, T'as, que hein. ça soit, Bon. t'as les space opéras, donc faut aimer les trucs dans l'espace, mais c'est pas forcément obligatoire. T'as de la science-fiction de civilisation antérieure, tu vois. Bon, là, à la croisée des chemins entre ces deux-là, t'as Stargate. Avec les civilisations antérieures, machin. Prenons Doctor Who. Doctor Who, c'est de la science-fiction. C'est même un des piliers de la science-fiction. Et pourtant, tout se passe pas forcément dans l'espace. Donc, tu vois, la science-fiction, c'est pas forcément Non, l'espace. c'est pas Ça peut forcément être le ça, voyage non. dans le temps aussi, la science-fiction, vu qu'on parle de Doctor Who. Et là aussi, tu vois, qu'est-ce qui se passerait si t'étais capable de voyager dans le temps? Rien que là, tu vois, tu peux faire une émission complète. Il y en a, ils ont fait une série de, je sais pas combien d'épisodes sur le sujet. Donc, qu'est-ce qui pourrait se passer si tu pouvais voyager dans le temps? Ne serait-ce que si tu pouvais le contrôler, déjà, ça serait un bordel. Mais alors, voyager dedans. Bon, C'est d'un point de vue clair. des implications, des machins. Mais t'imagines pas le nombre de fois où je me suis pris la tête sur. Et donc, du coup, comme j'étais gamin, j'étais pas au courant qu'un film pouvait avoir des incohérences. Tu vois, pour moi, un film, c'était forcément une œuvre parfaite. Donc, du coup, j'essayais de comprendre comment ça marchait, Voyage vers le futur, et surtout le 2. Où il revient dans son propre passé, de quand il était dans le passé. Pour ceux qui n'ont pas vu Retour vers le futur 2, regardez-le, reprenez l'épisode du tête-à-tête. Non, allez-y maintenant, voilà, on fait une pause d'une heure et demie, on revient tout à l'heure. Mais, non, mais parce que du coup, et puis ces systèmes qui sont mis en place ils s'effacent tout doucement et il perd juste là c'est dans le 1, où Tu il perd mélanges sa main. Mais on s'en excellent. fout, c'est un ensemble, l'ensemble de l'univers des Retours vers le futur. Bon, des deux, parce qu'on oublie le 3, c'est de la merde. Il est censé être complètement cohérent, vu qu'il boucle dans lui-même dans le 2. Donc, et comme le 2 a expliqué, ça va être une merde pas possible, je vais me Non. concentrer sur le 1. Tu veux vraiment C'est qu'on bon? parle de ce film? Oh Ben non, ouais, tu veux? oui, Ah parce que bon, ok, justement, vas-y, mais. en soi, ce film, est-ce qu'il t'a pas fait réfléchir sur le voyage dans le temps? Est-ce qu'il t'a pas pris la tête sur le voyage dans le temps? Au sens que tu t'es posé 20 milliards de questions en sortant en disant, oui, mais attends, mais parce que si je fais ça, du coup, attends, parce que, et ça, ah oui, non, mais ça peut pas marcher. Non, t'as pas fait ça, là? Je pense que j'étais peut-être trop jeune pour me rendre, pour aller aussi loin. C'est pas super compliqué, là, ce que t'es en train de dire, mais je l'ai pas vu comme ça, moi. J'étais trop gamine, donc je l'ai vu comme vraiment un divertissement. C'était Moi, je l'ai rigolo. vu, je sais pas combien de fois, je compte pas combien de fois j'ai revu Okay. C'est après que tu Retour vers le te. futur, Voyage vers le futur, n'importe quoi. Oui, on avait compris, mais je pense qu'on avait tous rectifié de nous-mêmes. Non, mais ça. Donc, du coup, tu vois, évidemment, quand la première fois que j'ai vu, je me suis pas posé la question, mais plus je grandissais, tout en n'ayant pas atteint le point où je me disais, ce film peut être écrit avec le cul. Parce que sérieusement, au niveau des règles, hein, c'est du n'importe quoi si on y réfléchit. Ah, mais Mais c'est pas le. grave en fait. Le principe, alors, tu vois, pour moi, un bon film de SF, si c'est bien amené, si c'est bien expliqué, pour moi, ça passe. Parce que de toute manière, je ne serais pas capable de relever les incohérences comme ça. Donc, ouais, si ça, voilà. Ça non, va, mais attends, ça tu va pas parles me poser des incohérences de problème. vis-à-vis de la réalité ou des incohérences vis-à-vis de son univers à lui-même? Ben, s'ils partent d'un truc un peu scientifique ou quoi, voilà, moi, je vais pas relever, quoi. Je vais pas faire attention à, je sais pas, des vrais détails, quoi. Tu vois, par exemple, un film comme Interstellar, quand on vient me parler d'un trou noir, d'un trou vert, d'un truc... Ouais, ok, moi, je Mais me ouais, pose mais pas de questions, justement. parce que je... C'est pas que je me pose pas de questions, mais je veux dire, j'accepte assez facilement l'explication. En fait, Quand elle est c'est bien cette passe amenée, au-dessus ça... dont tu fais confiance, c'est ça? Voilà, c'est ça, exactement. Donc, je me suis pas penchée sur le côté là dans Retour vers le futur. J'ai peut-être plus pris l'histoire dans sa globalité que sur le côté scientifique. Donc, les incohérences, quand tu les prends la première fois, je les souligne pas. Donc, elles me dérangent pas. Donc, le film, il passe bien. Et puis, Ouais, je vois ce que tu veux dire. puis, y a un Mais là, chien. justement, Est-ce que t'as c'est à remarqué qu'il y a mettre. toujours des chiens dans les films de science-fiction? Il n'y a pas de chien dans Interstellar. Il n'y a pas de chien. Ah Ah, tu putain, vois. il y en a un qui a pas de chien. Parce que dans Ah. Retour vers le futur, il y a un chien quand même. Oui, bah oui, je sais. Il s'appelle Einstein, d'ailleurs. Ouais, c'est parce que je Mais tu vois, pense à d'autres justement, films aussi en même temps. c'est un bon affrontement d'un côté Retour vers le futur et de l'autre côté Interstellar, parce que c'est deux écoles qui sont, à mon sens, diamétralement opposées. Ah bah oui. Et qui, pour moi, sont frustrantes, du coup. Chacune dans leur domaine. Ah. Alors, d'un côté, tu as Retour vers le futur, qui est pour moi frustrant parce que il est incohérent dans son propre univers. Au sens que on est censé être dans un univers qui est peu ou prou le nôtre, et il y a juste un scientifique qui est arrivé à faire une machine qui voyage dans le temps. Le principe scientifique est simple. D'accord? Même si derrière les implications sont hyper compliquées, mais le principe est simple. Un scientifique est arrivé à faire une machine qui voyage dans le temps. Point. Il n'y a pas énormément d'explications à faire. Dans les 5 premières minutes, tu as compris la nouveauté par rapport à l'univers dans lequel nous vivons. Mais d'un autre côté, après, tu vas avoir la photo où les membres de la famille disparaissent un par un en laissant le héros comme étant le dernier survivant de la photo. Et puis au dernier moment, comme ils s'embrassent, paf, du coup, c'est réglé. Ça, tu vois, c'est incohérent dans son propre univers. Et à l'inverse, tu as Interstellar, où ils ont introduit un nombre incalculable de concepts scientifiques, d'accord, qui sont hyper cohérents parce que basés sur notre propre réalité scientifique, à l'exception de la fabrication d'un gros vaisseau spatial et de l'existence d'un trou de ver, qui permet de naviguer dans un autre univers. Et l'ensemble de ces concepts, leur utilisation a été carrément bâclée. Enfin, c'est pas qu'elle a été bâclée. C'est qu'ils en ont introduit trop pour un film qui fait que 2h30. Ou 3h, je sais plus. Enfin, il est trop Bah court. tu voudrais... Ah ouais? Oui, pour moi, Interstellar, il y avait largement moyen de faire une série sur 14 saisons. Ah oh, putain. Ouais, bon, alors une série, d'accord. Mais alors moi, je déteste les films qui font qui sont en 3 volets. Ben Oh ouais, mais... putain, je Ah non, déteste ça. Alors une pas série, une série de films, pas une admettons. série de films, une série. Mais ouais. En série, ça aurait été génial. Moi, j'aime bien commencer un film et avoir la fin. Tu vois? Mais bon, après là, on parle de ce que les gens connaissent le plus, enfin le plus. Mais C'est après, mais ce attends, qu'on mais. peut citer en premier comme genre de film, mais il y a des choses qui sont un petit peu plus Grand public, non, l'inverse. moins grand public peut-être. Moins grand public. Ouais, je pense. Alors là, Tu ça va être vois? difficile, parce que moi, je suis très grand public, Ah d'accord. bizarrement. Ok. Tu vois, c'est en fait, je me penche pas énormément sur ce truc, déjà parce que ça me fout le vertige déjà le peu que je regarde, et Tu que veux je passe dire des quoi, mois à la réfléchir sur un quantité? film. Comment ça, le vertige? Ben, prenons un film comme Interstellar, je vais me prendre le chou dessus pendant des mois après dans ma Ah tête. ouais? Hein. Ah D'accord. ouais, non mais vraiment. Et c'est pour ça que je te dis qu'en série ça aurait été génial parce qu'on aurait eu le temps vraiment de développer. Et tu peux même, et imaginons même une série de films. Tu disais ça c'est stressant parce que t'as pas la fin à la fin du Ouais, film. ah Ça, ouais, je pense j'aime que pas t'as le Seigneur attendre. des Anneaux en tête quand tu dis ça. Et c'est Non, vrai que parce là que honnêtement. j'aime pas le Seigneur. Parce Ah. que ça, par exemple, c'est quelque chose que moi, je mets pas. Alors attention, c'est Non, ça bien c'est du moi, fantastique ça. je mets pas ça dans ma SF. Non, mais Oui, moi ça, pour je moi mets c'est ça du dans le fantastique aussi. Enfin, fantastique, l'heroic fantasy, fantasy, ouais. tout ça qui est un domaine qui me plaît pas. J'aime pas trop tout ce qui est magie, tout ce qui est non, c'est vraiment pas mon truc, mais je comprends que ça puisse plaire à d'autres. Le Hobbit, tout ça, ouais, bon. J'ai pas accroché. D'accord, mais t'avais quel film en tête alors où t'as pas la fin à la fin du film? Parce qu'en général, t'as plutôt la fin à la fin du film, quoi. Non, mais je veux dire, t'as un arc narratif sur l'ensemble des films, Non, non, mais j'aime pas les t'as une films qui n'ont pas une histoire et vraie un... fin, c'est ça en fait, hein, je pense que j'ai voulu dire. J'aime pas les films qui ont pas une vraie fin. J'aime pas les films qui... T'as pas dû aimer Tu... 2001 Odyssée de l'espace, parce que la fin, c'est quand même bien funky, hein, à moins que t'aies pris de la drogue, tu la comprends pas. Hein. Moi, j'ai toujours pas compris, hein. On me l'a expliqué plein de fois, mais moi, ça me va pas, hein. C'est toujours pas compréhensible, hein. on va pas... Ah non, je vais pas m'y atteler là parce que j'aurais trop peur de dire des conneries. Ah, mais Mais on s'en fout, on a le droit de non. dire, non, mais Non, non, attends, non, on parce a le que je... droit de dire des Non! bêtises, c'est notre avis. Non, j'ai décidé que non. Non, D'accord. non. Ah non, non, non, j'ai... Puis en plus, j'ai pas envie de parler de ce genre de film-là, parce qu'en fait, ce que j'adore dans l'ASF, c'est plus le côté fin du monde. Moi, j'aime bien les trucs comme ça, tu vois, quand Ah, les c'est... post-apocalyptiques. Oui. J'aime Ah bien oui, ça, quand c'est j'avoue. noir. J'aime bien quand c'est noir. J'aime bien quand ils en chient. J'aime bien quand tout le monde meurt à la fin. Tu vois, voilà. Donc, Des parlons de vraies The Walking fins. Dead. Parce qu'au final, Si tu là, c'est un peu ce qui m'a popé. veux. Ouais. Non, mais c'est vrai que les mondes post-apo, ils ont cet avantage d'avoir un côté assez intimiste, souvent. Au niveau de l'interaction entre les Et personnages. puis, je pense qu'il y a aussi souvent une vraie remise en question de notre société, de notre mode de fonctionnement et de choses comme ça. Tu vois? Donc, c'est ça que j'aime bien aussi. J'aime bien hein, les films où il y a des vaisseaux, où il y a des... Mais non, quand même, ça me branche pas. Vite, je suis vite blasée. Bon, après, il y en a qui adorent, hein, mais c'est pas ceux-là que je préfère. Un exemple de film qui vraiment, vraiment... Et dans mon top 3 de ce que je préfère en SF, c'est par exemple The Road. Je ne sais pas si tu connais. Non, je connais pas. L'histoire est Je veux bien que tu m'en parles. ultra simple. Il n'y a pas tout un tas d'éléments qui viennent entrer en jeu au départ. T'es pas obligé de te poser 36 questions pour savoir. Voilà. Tu as une famille dans une maison. Tu vois pas forcément l'extérieur et et tout ce qui les entoure, dans quelle époque ils sont. Bon, et puis il se passe un truc. Tu sais pas trop quoi. Est-ce que c'est une explosion? Est-ce que c'est une bombe? Est-ce que c'est tu sais pas. Mais c'est en gros une espèce de chose qui fait que c'est un genre de fin du monde, mais il y a quelques survivants. Eux en font partie. Alors tant qu'ils peuvent, ils restent dans leur maison pour survivre. Et là, tu commences à voir que ça craint, mais ça craint vraiment. Et bon, bah forcément, t'as tout ce qui va avec, hein, le manque de nourriture, et puis Bah c'est du survival, quoi. ouais, complètement, les questions, parce qu'ils savent pas non plus vraiment ce qui leur est arrivé. Il y a plus rien. Et la femme est enceinte et elle veut absolument pas accoucher parce que elle voit pas du tout comment elle pourrait élever un enfant dans ce genre De de situation. situation. J'explique pas tous les détails, mais à la fin, le À mari. la fin, tout le monde meurt. Ah Voilà, bah non, c'est mais de toute possible. manière, les films que j'aime, c'est à la fin tout le monde meurt, c'est clair. Mais là, c'est non, je sais pas. Enfin, je vais pas vous raconter la fin. Il y a un chien. Le chien s'en sort bien. Ouais, c'est important. Il y D'accord, a toujours un c'est à chien. peu près tout. À peu près dans tous les films que j'aime, il y a un chien. Il s'en sort. Ah non, il s'en sort pas toujours bien. Bon, je reviens à ce que je dis. Le papa se retrouve avec son fils à commencer à errer dans ce monde où apparemment il n'y a plus que désolation et pas grand-chose comme opportunité ni comme avenir. Le but de leur journée, ben, c'est de trouver à bouffer, hein, c'est clair. Et puis là, tu vas voir le côté animal et bestial de l'homme, en fait. Ou finalement, s'il n'y a plus rien à bouffer et qu'il y a quelques survivants, il va s'installer du cannibalisme. Mais c'est ce que Des j'allais choses dire que dans le doute, tu bouffes les survivants. ben, c'est logique et tout, et donc c'est tout un cheminement comme ça qui te met dans une ambiance terriblement glauque. Enfin, ouais, ça fait penser un peu à Walking Dead, mais en pire, non, bien pire quoi. Moi, je trouve que c'est bien pire, Pourtant, The Walking Dead, non, parce que c'est vrai que les trois quarts du temps, c'est la petite non. maison dans la prairie infestée de zombies, mais même s'il y a des choses en arrière-plan qui sont intéressants. En général, les moments trash, t'en as quand même quelques-uns, et dont du cannibalisme, dont du Oui, dont de mais la simple violence entre humains. oui, mais voilà. Alors là, c'est pour ça que je mets le doigt sur vraiment le côté science-fiction. Pour moi, la science-fiction, il faut que ce soit probable. Enfin, probable, je m'entends. Les zombies, bon, ben, voilà quoi. Il faut accepter l'idée que ça puisse exister. Bon, admettons. Et tu sais que, Ah, honnêtement, putain. prenons un film de. Je vais te donner un film de zombies, d'accord? Où la cause scientifique est probable. C'est 28 jours plus tard. Ok, je l'ai pas vu. Et en fait, eux, ils disent que c'est de la rage. Et ça marche. Ouais, Voilà, c'est tout. ok, d'accord. Admettons. Bah, il faut que ce soit bien amené pour que je l'admette, quoi. Voilà. Alors que là, dans The Road, l'histoire est potentiellement imaginable. Ça se dit, ça, ce que je viens de dire? Oui, bah du coup, forcément, Tu ils vois, ont c'est pas pas dû quel. inventer une situation Non. qui est improbable vu qu'ils te la donnent pas, la situation, c'est à toi de l'inventer. Ouais, mais enfin, je veux dire une espèce de fin de la civilisation comme ça qui serait par une on ne sait pas trop quoi, une bombe, une explosion, je sais pas, ou peut-être un truc climatique, on ne sait pas trop. Pourquoi pas? Tu vois, ça paraît pas improbable. Donc déjà là, à la base, je l'accepte bien. Ça fait pas rêver, hein. Il y a des gens qui vont détester, clairement. Parce que c'est des films qui sont un peu longs. Donc voilà, c'est ce genre de film que j'aime bien. Il faut que je note The Road. C'est Alors, noté. je tiens à préciser, pour tous Il ceux date de quand? qui... Il date de récemment ou pas, The Road? C'est un vieux film ou... Mais écoute, bonne question, merde, j'avais pas prévu d'être interrogée là-dessus. J'ai Non, des mais c'est... Non, jokers. mais au hasard, enfin, dans les grands Oh, il noms, est quoi. pas ultra vieux, j'en regarde des bien plus vieux que ça. D'accord. Et j'aime bien en ce moment me refaire tout ce que j'ai manqué quand j'étais petite. Alors je vous passe les vieux films qui datent des années 70 et 80 sur la SF parce que alors Je me là suis fait Mad Max il y a 2 semaines. Je l'avais jamais vu. 2009 bon c'est vrai. Je peux terminer avec ça et puis après c'est Oui, promis on en parlera. Donc voilà, pour tous ceux qui vont aller voir le film là parce que j'en ai parlé d'avance, je m'excuse. Non, je déconne. Vous allez forcément aimer. Et si vous aimez pas, vous viendrez en discuter avec moi pour que je vous explique pourquoi il faut aimer, parce que c'est bien. Et puis c'est très très très très sombre. Et moi j'aime bien quand c'est comme ça. Il faut vraiment que je le voie. Il a l'air sympa. Rien qu'au niveau de l'image et tout, il me donne envie. Ah oui. Il me donne envie de me déprimer, ce Ah, film. il est, ah, mais Je sais. C'est con, hein, mais c'est. complètement, mais voilà, alors cherchez pas les vaisseaux spatiaux, tout ça, il y en a pas, hein. Ah non, Il y non, a de bah la non. terre, de la boue, du C'est gris et du gris. un père, son fils, un chien et un canidé. C'est Basically. ça. Et l'automne, l'histoire de finir de faire bien triste. D'ailleurs, ça se trouve, il y a beaucoup plus de couleurs, mais je les vois pas. Il y en a pas. C'est possible aussi. C'est pour ça que j'ai vu que Eh c'était ben en marron fait c'est gris. bien, c'est un film qui est idéal pour les daltoniens. C'est du marron et du gris. Wouhou! J'ai envoyé un tweet à Randall Flagg, ça va l'intéresser. Et à Hirslo aussi. Et ah, Ah j'avais oui. oublié qu'il était daltonien Ah aussi. ouais, voilà, vous n'êtes pas seul. Ouais, on est tout un stock. C'est rassurant. On va pouvoir voir les, on va pouvoir continuer de pas voir les couleurs, mais ensemble. Ouais. Je vois pas l'intérêt, mais admettons. Je sais pas, faites un club. On va faire un club. Donc tous ceux qui écoutent là, qui savent pas de qui on parle, eh ben on les a perdus. Mais bon, je suis désolée. C'est pas grave, ils ont qu'à les connaître, c'est tout, ils ont tort. C'est aussi simple que ça. Tu vois par exemple, on m'a conseillé d'aller regarder le tout premier film de George Lucas. Vous connaissez cette un petit peu? THX avec un code barre après là? Ouais, 100 1000 1138. Ah, c'est possible. Ben voilà, ça c'est le genre de choses, film, il n'y a pas 36 décors, tout se passe à peu près dans un même endroit, on n'a pas les détails de tout, et puis ça t'amène à réfléchir sur plein de choses. Mais c'est la version court-métrage ou la Ah, je me version suis fait la longue du coup que version t'as longue, regardé? hein, moi j'aime bien, D'accord. je Parce que moi veux pas j'avais le vu, petit je crois bout. que j'ai, je sais plus si j'avais vu le court-métrage ou des extraits de la version longue, je sais plus. Mais ça me dit quelque chose, effectivement. Donc c'est très spécial hein, dans son ensemble. Ouais, Et c'est chelou. bon, comme ça date, hein, il faut pas se dire je vais aller voir ça juste pour Juste pour passer un bon moment. Un divertissement comme un autre, c'est une Non, autre démarche, ça quoi, fait hein. réfléchir. Ouais. Mais si tu veux un film qui me fait vachement penser à THX, dans son ambiance, c'est L'Armée des Douze Singes. Ah ouais? Quand il est dans le futur. Tu sais, L'Armée des Douze Oui, Singes, c'est le d'accord, principe de, peut-être. il est envoyé de, et tout l'univers du carcéral dans lequel il est, et cet univers un peu fou, tu sais, avec des visages de près filmés en grand angle, mais en même temps très austère. C'était le même ressenti. Après, chacun aura un ressenti différent, mais pour moi, c'était cet environnement où justement, t'as très peu d'explications sur le pourquoi du comment, Bah, c'est le genre de film, parce qu'ils considèrent qu'on s'en il fout. faut le voir deux fois, quoi. Déjà, Ah, oui, parce que et la parce que première sinon tu comprends fois, pas. ouais, je l'avais vu au cinéma en plus. Mais ouais, la première fois, tu te demandes un petit peu dans quel ordre il y a des. Hein, c'est bien celui-là où il y a des flashbacks, ça repart dans. Ouais, c'est super chaud à suivre, quoi. Et à la deuxième au deuxième visionnage, déjà, t'as un petit peu plus de cohérence qui se font. Et puis, Mais c'est pas je crois qu'il mal. faut le regarder 3 fois pour Trois vraiment fois. être. Bon, après, Ouais, faut moi l'aimer à j'ai. la première fois, hein, parce que sinon, les trois fois sont longs. Oui, sinon tu te fais chier, mais faut pas les faire d'affilée non plus, hein, c'est pas une obligation, Mais c'est mais ça qui est génial, je trouve, dans ce genre de film, c'est que plus tu vas le regarder, plus tu vas voir des petites choses, et plus tu vas comprendre tout va s'enchaîner, t'as des liens qui vont se faire. Je trouve ça super intéressant, en fait. C'est un genre de cinéma qui t'offre ça, quoi. Et surtout, c'est le genre de cinéma où. Enfin, le genre de film que tu vas démarrer et tu vas être perdu, mais Et en grave, plus, il y tu a vas Bruce pas Willis. comprendre ce qui se passe. Oui, en plus, il y a Ah Bruce bah Willis. oui, hein, il y a Bruce Mais. Willis. Alors moi, je regarde tout. Je regarde tout Non, mais et je valide c'est vrai tout. qu'il Je fait suis partie fan inconditionnel. des acteurs qu'on a été, presque inculqué à aimer. Tu vois, c'est forcément, il y a Bruce Willis dedans, on va déjà avoir Ah mais un a oui. priori positif sur le film. Voilà, c'est En même ça. temps, parce que c'est aussi un bon acteur, il est fandard comme acteur. Fandar. Et Ah, je sais, j'aurais ouais, pas utilisé ce terme. même dans des rôles sensibles, même dans Dans des rôles il est à sensibles. la oui, prenons par exemple dans le sixième sens, Ah oui, d'accord, ok. Oh. par rapport à Piège de cristal, il est quand même diamétralement opposé d'un point de vue du jeu d'acteur et de ce qu'on lui demande. C'est clair. Entre Yupikai et Je vois des gens qui sont morts, il y a quand même un Ouais, monde. c'est clair. Mais vu que tu parlais des films où on est tout paumé au début, Ouais. le premier film sur lequel j'ai été tout paumé au début et que je me suis dit, bon, bah, vu que de toute façon je suis dans la salle, que je suis avec des potes, on va pas se barrer parce que le film est tout pourri, Oui. c'est Matrix. Ah ouais. La première fois que je l'ai C'est pas vu, mon film j'ai culte, fait, hein. c'est quoi ce film d'arrêt d'essai de merde? Mais sérieusement, jusqu'à la pilule bleue, la pilule rouge, là, tu prends toute la première partie et t'essaies de le regarder d'un œil neuf si tu l'avais jamais vu, on pige rien, quoi. Si t'avais eu un pote qui t'a raconté l'histoire et tout, et comme je l'avais vu le lendemain de la sortie, vu qu'il était sorti le mercredi, on était allé voir avec les potes le jeudi, on n'avait aucune idée. Le seul truc qu'on avait trouvé classe dans la bande-annonce, c'était les étagères d'armes. Et là, franchement, on les avait pas vues jusqu'à présent. Et franchement, mais je disais, mais putain, mais on comprend rien à ce film, je me fais chier, mais d'une force. Et après, d'un seul coup, tu vois, quand il sort de la matrice et tout, tu vois, tu Tu commences à commences à comprendre des comprendre, trucs, et ouais. puis après, tu fais. Et après, tu sors du film, et déjà, tu touches les sièges pour savoir s'ils sont réels. Et à la fin, tu fais, putain, faut que je revoie ce film, parce que tout le début, il doit y avoir des trucs que j'ai pas compris, et puis, faut que je les comprenne, quoi. Donc, du coup, le lendemain, je suis retourné aller voir le film. Et donc, tu vois, c'est ça qui a fait que j'ai pu regarder L'Armée des Douze Singes, alors qu'au début, j'étais tombé dessus, j'avais commencé à le regarder à la télé, puis j'avais laissé tomber. C'est ce qui m'a pris la patience avec les films, en fait. De pas les arrêter au milieu, parce que ça me fait chier. Chose que je faisais assez souvent avant, mais je fais Ah plus non, maintenant. non, faut que j'aille jusqu'au bout. Merde, bah du coup j'ai perdu le fil de ce que je voulais dire. Des films où au début Non, mais je voulais dire un autre truc. on n'arrive pas à s'accrocher. C'est pas grave, ça me reviendra peut-être après, ou voilà, enfin bref. Je disais un film d'arrêt d'essai de merde. Et sinon, avant, on parlait de Bruce Willis. C'est un peu dans le désordre, c'est un peu décousu, je vous le retranscris pêle-mêle. Sais, ça me rappelle quelque chose, cette phrase. Un petit peu. Et là, paf, pastèque. Non, je sais plus ce qu'on disait. C'est pas grave. Bon, enfin voilà quoi. Donc si on veut Si on veuille. reparler et recommencer à reparler de SF, il y a deux trois trucs que T'as j'aime retrouvé ce que bien. tu voulais dire? Non. Et il y a deux trois trucs que j'aime bien aussi, c'est le L'anticipation. C'est la partie là aussi qui m'intéresse en fait. Mais quelque chose qui est vraiment très très très proche de notre époque, tu vois, qui est pas une anticipation à dans 2000 ans. Voilà, moi j'aime bien commencer à faire des hypothèses sur notre société dans 50 ans, dans 100 ans, tu vois, un truc qui est pas lointaine, Quelque quoi. chose d'atteignable, quoi. Bah, prenons à l'aube du sixième jour dont je parlais tout à l'heure. C'est une société qui est pas censée être dans très très longtemps. Tu vois, c'est juste qu'ils ont des voitures automatiques, ils sont capables de cloner des gens. Mais tu vois, c'est à part ça, la société a pas fondamentalement changé de grand chose. Juste, il y a des nouveautés. Ouais, ça Deux, s'intègre trois. avec, ouais. C'est intéressant c'est intéressant quand ça pose des questions sur certaines choses qu'on voit pas commencer à s'immiscer dans nos vies, tu vois. Tiens, tu vois, tu parlais de la série Black Mirror, ça en fait partie, je trouve. Ah, du coup, tu l'as regardé la série Ouais, Black j'avais déjà Mirror? commencé à la regarder avant que je t'en entende parler, et puis j'ai continué, mais j'en ai pas vu beaucoup d'épisodes, je crois que j'ai vu la saison 1. Est-ce que tu as vu celui où justement il y a son mari qui est décédé Oui. et ils utilisent un programme pour le Ah recréer? oui. C'est super Celui-là, intéressant. il est Alors, pour ceux qui fantastique. connaissent pas du tout la série, là, faut quand même qu'on leur explique, Phil, parce que si on commence à parler de ça. Le problème, c'est que si on commence à leur parler de ça, il va falloir leur parler de au-delà du réel. Non, mais moi c'est bon, je peux faire plus court. Alors, c'est une série qui est super facile à regarder parce qu'il y a des personnes qui n'aiment pas les séries. Bien que je crois que les gens qui écoutent des podcasts sont quand même assez fans Bah, de. quelque part, ils écoutent des Non, séries de gens qui parlent dans un mais bon, ce micro, qui mais. est intéressant en fait, c'est que ça fait partie des séries que tu peux prendre dans tous les sens. T'es pas obligé de suivre les épisodes, t'es pas obligé d'avoir déjà vu la saison 1 pour comprendre la 2, vu que chaque épisode a son propre a son ses propres sa Sa propre propre histoire, histoire. ses propres personnages, ses propres lieux, enfin voilà. Donc Son propre univers, tout simplement, quoi, même à ce c'est niveau-là. ça. Hein, c'est. Et du coup Il n'y a même pas un arc narratif entre, c'est pas comme NCIS où tu peux prendre n'importe quel, c'est parce que c'est une enquête à chaque fois. ouais. C'est que là, il n'y a rien Eh à ben voir d'un en épisode à gros, l'autre. hein, si on veut résumer, c'est comme si c'était des petits films, chacun à Oui, leur c'est tour. des petits films. Donc c'est un Des petit petits courts-métrages. peu, c'est quoi, c'est entre 45 minutes et 1 heure, je pense, hein. Celui que tu évoques, c'est typiquement quelque chose qui fait partie de l'ASF que j'aime bien. C'est-à-dire que dans un monde qui est tellement proche du nôtre, ça pourrait être là maintenant, quoi. Oh, là maintenant, non, mais dans 5 ans, 10 Ouais, ans. voilà quoi. Bah oui. Bah, moi, je trouve pas que ce soit loin. Oui, non, mais Parce que c'est je pas. comparais ça avec quelque chose que tu peux dater dans 2000 ans. Ah Voilà, oui, tu vois. non, oui, effectivement. Hein? Donc proche. Si on veut situer l'histoire, en fait, c'est une jeune femme qui perd son compagnon. Dans un bête accident de voiture. Voilà. Donc elle fait son deuil et on lui propose, ou c'est sa copine, oui, c'est sa copine qui lui propose un truc, c'est Alors, faut savoir à un la base que programme. son mari, il était énormément sur les réseaux sociaux. Voilà. Oui, Il est, ouais, c'est vrai. c'était un gros tweetos, on va dire. Presque limite à délaisser sa vie réelle pour cette vie-là, quoi. Il était tout le temps accroché à son télé. Bref, la majorité de tes auditeurs. Oui. Et on ne critique pas ça. Ah non, non, ben non, mais je suis le premier à faire ça, donc. D'accord. Moi, je me limite, mais c'est vrai que j'aime bien aussi On y est tous les passer deux un en train de, certain temps. on a tous les deux une après-midi de libre et on décide de parler dans un micro de science-fiction. Donc, si tu veux, quelque part, on va pas lancer la pierre, hein. Non. Ah putain, j'avais pas pensé à ça. Ah, tu vois, ça déprime, hein. Si c'était la seule. Relation que tu avais avec un humain aujourd'hui, ouais, je trouverais ça chelou, mais comme c'est pas le cas, ça va, ça me Non. rassure. Oui. Mais possible qu'il y en ait que si. Ouais, c'est possible. C'est pas le sujet. Donc, la nana, elle perd son mec, hein, donc sentiment, nananana, on pleure et tout et tout. Enfin, ceux qui veulent, ils font ça. Et puis. Enfin, disons qu'on comprend, on nous transmet bien la détresse et le deuil de la personne. Donc il y a sa copine qui lui propose un programme qui va lui permettre de retrouver une partie de son copain, mais de façon virtuelle en fait. Il y a une société qui va regrouper tout ce qu'il avait pu poster sur tous les réseaux sociaux, tout ce qu'il avait pu laisser comme information à droite à gauche, qui sont maintenant tout centralisés sur Internet, sur... hein, on est d'accord ? Mm-hmm. Et... Sur le cloud. Ok, sur le cloud. Et du coup, elle va pouvoir retrouver une partie de cette relation-là par le biais de son téléphone. C'est-à-dire qu'en fait, en fonction de l'ensemble des interactions qu'ils ont eues, qu'il a eu avec tout l'ensemble des réseaux, il génère une intelligence artificielle. Tu le dis vachement mieux que moi. Un petit peu comme si, je sais pas, on prenait l'ensemble des émissions que tu as enregistrées ou l'ensemble des émissions que j'ai enregistrées. Et on les mélange pas, hein, parce que ça foutrait un sacré bordel. Non, je te dis pas la personne qu'on rencontrerait. On isole la personne. et on en déduit que quand quelqu'un dit une phrase, je vais réagir ou tu vas réagir d'une façon. Et en fonction de ça, ça génère une personnalité qui récupère la voix, qui récupère la façon de d'agir, la façon de s'exprimer, les idées. Donc une intelligence artificielle basée sur des interactions d'un humain via des réseaux, via des réseaux sociaux. Ouais. Dans un premier temps, en tout cas. J'ai trouvé l'idée extrêmement pertinente, en fait. Ah, mais tu sais que, sans déconner, je l'ai eu avant de le voir, ce truc-là. Ah ouais? Pof, pour en être témoin, je lui ai dit un jour, si je meurs, il faut récupérer l'ensemble de mes enregistrements et je te fais confiance pour faire une intelligence artificielle qui puisse me remplacer pour faire les émissions. Je suis sûr que ça pourrait être possible. C'est pour ça que je fais des émissions, en fait. C'est pour pouvoir être éternel. Continuer à casser les couilles aux gens. C'est pour léguer quelque chose, d'accord, bah dis donc. Non, mais alors, ça met déjà en évidence une chose, c'est tout ce qu'on donne comme information sur nous. Oui. Ou là, tu peux te poser cette question-là quand tu vois ça. Et puis la deuxième, c'est... C'est plus de l'information, c'est presque de la personnalité, quoi. Ouais, et en même temps, le seul contact qu'elle a pour pouvoir parler avec son copain, entre guillemets, virtuel, qu'elle finira par presque plus considérer comme quelque chose de virtuel, hein. Au bout d'un moment, au début, ça la, au début, ça c'est la par dérange texte, un peu, déjà. Hein. Au début, c'est vraiment quelque chose qui est pas. Oui, c'est juste un chatbot pour ceux qui connaissent un peu le truc, quoi. C'est un chatbot, c'est-à-dire un truc qui réagit automatiquement. T'en as quelques-uns comme ça. C'est Cleverbot qui existe déjà sur Internet, si tu veux, et qui apprend en fonction des interactions qu'il a avec les gens. Et de temps en temps, ça donne des trucs complètement what the fuck, hein, parce qu'il comprend pas, mais il donne une réponse quand même. Mmh. Faudra que t'ailles voir, tu verras, c'est marrant. D'accord. Donc, dans un premier temps, c'est que du texte, et puis après, ça va utiliser l'ensemble des vidéos. Voilà, il lui demande à chaque fois si elle veut passer une étape. Voilà. Un petit peu comme si elle avait le level 1, level 2. C'est ça. Ouais. Et finit finalement par carrément avoir un dialogue avec, au téléphone. Mmh. Ouais. L'image qui est frappante, c'est quand à un moment donné, elle va faire tomber le téléphone. Mm. C'est là que tu te rends compte à quel point elle a mis tout son affect. Ouais. Dans l'objet en lui-même, quoi. Et quand le téléphone tombe, t'as l'impression que le gars il meurt une deuxième fois. Ouais. Tu vois. Et c'est là que tu te dis oh putain en fait. Même si c'est pas tout à fait la même chose dont on parle, il y a des fois, on est quand même un petit peu accro aussi à ces choses-là. Hein. Ah mais moi mon téléphone il tombe en panne de batterie, je suis pas bien. Hein. C'est vrai? Non j'exagère mais j'ai ce sentiment de quelque chose qui va pas quand même. Tu vois, je survis, je continue pas à vivre normalement si mon téléphone il a plus de batterie. Et je m'en aperçois parce que j'ai un iPhone donc ça tombe en panne de batterie assez rapidement. Ouais. Mais effectivement si j'oubliais mon chargeur et tout, je regarde ma batterie régulièrement comme si c'était quelque chose d'aussi important que le niveau d'essence alors que je suis en train de conduire, tu vois. Sauf que je suis pas en train de conduire, si je vais pas m'arrêter au milieu de la route, c'est pas dangereux à ce point-là si mon portable tombe en panne. Je vais te poser de la question à la con, tu sais, c'est la question, tu préfères être aveugle ou avoir une main en moins? C'est la question de merde. Alors, tu préfères ne plus avoir de batterie sur ton iPhone ou plus d'essence dans ta voiture? Est-ce que je préfère tomber en panne de batterie ou en panne d'essence? Bah oui, c'est ça ma question. En soi, je préfère quand même tomber en panne de batterie. que c'est quand même plus simple. Non, ça va, non, t'es parce rassurant. Que, non, mais parce que le portable, le porter jusqu'à la jusqu'à une prise de courant, c'est quand même plus simple que pousser la voiture fatigant, jusqu'à hein. la prochaine station d'essence. Donc là, c'est d'un point de vue purement logistique. Mais après, est-ce que je m'inquiète plus quand j'ai pas beaucoup de batterie au début de la journée ou pas beaucoup d'essence au début de la journée? C'est vrai que c'est plutôt la batterie, parce que du coup, de l'essence, c'est pas grave, j'en prendrai le soir, je suis pas très très loin, tu vois. Donc ça marche pas, tu vois. Oh, par contre, la vraie ça question, marche c'est pas. est-ce que tu préfères être Oui? suivi tout le temps par un cheval ou une armée de 12 poussins? Tu vois, ça, c'est une bonne question con que tu peux te poser. Et ils te suivent tout le temps, où que t'ailles, hein, c'est toujours... Je prends le cheval. Même quand tu vas aux toilettes et tout, quoi, c'est emmerdant. C'est... Ouais, c'est parce que tu sais pas comme c'est chiant un poussin. Alors 12. Ah oui, Oh. non, mais c'est... Non, mais c'est quoi cette question? C'est le genre de question débile que tu peux te poser, quoi. Ouais, genre... Et tu vois que c'est pas si débile que ça fait réfléchir. Attends, est-ce que je préfère le même volume, mais de façon fragmentée, mais plus bruyant, ou est-ce que je préfère un gros volume? Parce que du coup, tu peux pas monter dans ta voiture avec un cheval. Tu Alors montes que les sur le 12 poussins, tu cheval. les mets sur le siège arrière, c'est bon. Oh bah moi je monte sur le cheval. Bah, c'est pas con. Ouais. Si tu dois faire 350 bornes, il va falloir que tu t'y prennes à l'avance, quoi. Ouais. Tu prennes du foin aussi. petit peu. C'est. Non, non, à cheval, ça bouffe de l'herbe. Il y aura bien de l'herbe à droite à gauche, c'est Ouais, c'est bon. pas faux. Bah, faut que tu prévoies de l'eau quand même, parce qu'il n'y aura pas forcément de C'est l'eau. pareil. Bon, Ouais. faut que je te précise que je fais du cheval et que je fais de Ah. la rando. Donc je D'accord, parce prends que le moi. cheval. Oui, du Et puis en coup, même ouais, temps, pour si t'as ça. faim, il vaut mieux quand même avoir un cheval que des poussins. Puis Pour le bouffer? mon... Bah oui. Ouais, c'est vrai qu'il y a plus à manger, mais d'un autre côté, le cheval, tu vas pas pouvoir tout le manger en entier avant que Ouais, la viande périme. c'est vrai. Alors que Donc les là, poussins, tu peux les tuer un par un. c'est pas faux. Bah, Ah, sinon, après, tu la vois? viande, faut que je la fasse sécher, comme la... Ah, ça peut marcher. Ouais. Dans la Sinon, t'en fais des version... lasagnes. Tu demandes à Findus. Oui, c'est vrai. Ouais. On peut faire ça. Voilà. Et les poussins, faut les déplumer, tout ça. Non, je pense, ouais, Mais on déconne sur cette question-là de qu'est-ce que tu fais dans... Mais sans déconner, ces trucs-là, moi, c'est ce que j'adore. Bon, évidemment, pas aussi ridicule que ça, mais dans la science-fiction. Je parlais de. Là, on parle justement de savoir si un jour quelqu'un meurt, est-ce qu'on préfère faire le deuil vraiment ou avoir une espèce d'ersatz de personne et continuer à parler, mais c'est pas elle. Ouais. Non, mais C'est. c'est des questions qui sont super intéressantes. C'est surtout des questions auxquelles peut-être un jour on aura à répondre, nous. Enfin, pas nous, mais nos descendants. Hey, ça me fait penser à la série Real Humans. Comment on prononce ça? Real Humans. Ouais. C'est pas Ah, le truc le que Arte papy. diffuse, non? Ouais. Ouais. Elle est bien cette série. C'est des humanoïdes dotés d'intelligence artificielle qui cherchent à avoir leur place au sein des humains, c'est ça? Et qui revendiquent le fait qu'ils existent en tant que tels. Oui, voilà, on va dire ça. On va dire ça, on comprend ça au bout d'un moment, mais rien que juste à la base, en fait, c'est toi et moi, normalement, qui vivons normalement, on a la possibilité d'acheter justement un... C'est des hubots, comme ils appellent ça. Et tu l'as pour faire les tâches ménagères, tu l'as pour qu'il fasse ton boulot à ta place. Et en fait, au fur et à mesure, on se rend compte que ben il y a plus de travail parce que Bah tout est fait par des robots. Bon, ils sont pratiques quand même parce qu'ils remplacent toutes les aides à domicile pour les personnes âgées, les choses comme ça, tu vois. Ils s'en servent pour plein, plein, plein, plein de choses, à peu près tout ce qui te fait chier. Mais le problème, c'est que toi, du coup, ça t'as plus rien à faire. ouais. Donc ça, Est-ce voilà, vraiment un ils se problème? posent. Si le boulot te sert à te ramener un salaire pour ne pas crever de faim, oui, c'est un problème. Oui, non, mais ça, Après, après, faudrait ça, remettre en voilà. cause toute la société, tu Tout vois. à fait. Donc, eh ben, c'est justement, c'est ça que j'aime bien dans la SF, c'est que ça te fait poser plein de questions qui te serviront sûrement à rien, mais c'est pas grave. Je vais pas changer le monde, mais c'est comme ça. Et du coup, bah, t'as toujours à un moment donné où un élément perturbateur vient faire que le scientifique qui a créé ce genre de robot, d'androïde, de je sais pas, t'appelles ça comme tu veux. Eh bien, il y en a un qui est doté d'une intelligence un peu plus élevée que les autres, et puis après t'en as un qui est doté d'une intelligence quasiment humaine, et puis du coup, bah, il veut forcément prendre le dessus, quoi. Hein. C'est le principe de toutes les guerres qui va diriger quoi et qui. Elle est super intéressante, cette série. Elle pose aussi la question de l'affection que tu as avec la machine. À quel moment tu considères que c'est toujours une machine? Voilà. Enfin, Ah, ça et même, le pers ça pose la question de qu'est-ce que tu définis comme étant un humain. aussi. Et Et... il y a justement la maman de la famille, qui est la famille qui a le rôle principal dans cette série, qui est avocat, juriste, je sais pas exactement, je me souviens plus trop, justement qui va plaider pour que un des hubots qu'elle a chez elle soit considéré comme une personne en tant que telle, par exemple. Tu vois, c'est intéressant. Mais tu J'ai vois, pas tu vu dis la fin. c'est des J'ai questions pas qu'on vu la pourrait se fin. poser un jour ou des choses comme ça, Non, c'est toi mais qui as dit même ça. C'est à... moi Ah, qui ai dit pardon, je ça. crois, pas, je sais plus. Tu disais ça fait se poser Grave. des questions. Oui, ça je l'ai dit, Mais oui. au final, la question de savoir ce qu'on définit comme étant une personne, à quel point on s'accroche à quelque chose de sentiment que tu mets, à l'heure actuelle, on se la pose déjà, pas pour des machines, À quoi tu penses? et pas aux animaux de compagnie, par exemple. Ah ben moi je les Il y a mange, bien des lois qui les... je me la Oui. pose pas. Non mais justement, c'est quelque, c'est des même les... Alors prenons pas les animaux de compagnie parce que c'est différent. Les animaux de compagnie, c'est des animaux qui avaient pas bon goût. Les Ah, C'est pour ça qu'on j'avais les mange pas. jamais pensé à Elle est pas de moi ça. celle-là. Mais je sais plus qui c'est qui Non, l'a mais c'est sorti, très mais très c'est très très très pertinent. J'avais jamais pensé à ça. ça se trouve c'est juste ça, ou alors c'est qu'ils avaient une fonction plus importante que celle d'être mangés. Je sais pas. En cas de guerre, je bouffe mon chat. Hein. Ouais, putain, il y a que des poils. Si tu veux que je boue. Ça doit ressembler à un poulet, hein. Bah, c'est comme ça que je l'appelle d'ailleurs, mais je Mon le petit surnomme poulet. Ah, oh, poulet. je vois trop mon petit poulet. J'ai ici mon petit poulet. Bon, Non, bref. j'appelle juste poulet, pas mon petit poulet. Il est déjà tout petit, y a pas besoin de lui dire le pauvre. Et non, mais le justement, tu vois, c'est Je vais t'as... passer pour une tortionnaire. Oui, c'est possible, mais tout le monde le sait, Karine. Ça fait Ben un ça moment va. qu'on sait. Tant tu tues des hamsters et tout, quoi. Toi, tu vas te prendre la SPA dans la gueule un jour, ça va être terrible. Donc Je mange justement, pas tu mes vois, poules. c'est Je les les... laisse mourir d'une vraie mort, leur mort à elles. Je les mange pas. Je mange jamais mes Mais poules. voilà, justement, tu vois, se pose la légitimité de manger d'autres êtres vivants. La question que se pose et auquel ont répondu d'une manière différente du reste de la société, les végétariens, par exemple. Donc, Ouais, tu vois, c'est des alors moi je questions ferais pas qui ont trop pas besoin, on confiance n'a quand pas même besoin à un d'aller chercher aussi végétarien qui loin. crève de faim. Oui, c'est vrai qu'il pourrait changer Attends, attends, attends. d'avis. Il faut jamais oublier le contexte. Alors, Mais oui, mais c'est justement, mais le comme tout. contexte, c'est la société dans laquelle on vit. On est dans une Voilà. société où on pourrait, à la limite, se passer de manger de la viande. D'accord? Parce que si t'as besoin de protéines, t'as le soja pour ça. Où on a trouvé donc des alternatives à tuer des êtres vivants. Alors, je compte pas les plantes dans l'être J'ai vivant, on vu va dire un des êtres film conscients. hier soir qui parlait de ça. Et j'ai trouvé ça génial. Ah oui, c'était. Non, putain, c'était hier soir, je suis obligée de faire un effort, tu vois, pour m'en souvenir. Je me fais peur parfois. Voilà, c'est l'âge. Ah ouais, c'était Nos amis les humains, Verber. Non, je vois pas. C'est un film français, c'est de la SF. Et c'est comme un En même temps, c'est document. Verber, ouais. Oh, bah ouais, c'est comme un documentaire animalier, mais sur les humains. Et Hey, c'est ça me dit quelque super chose. intéressant, ça dure 1 heure et demie. Je l'ai vu, en plus, je l'ai trouvé sur YouTube. Il y a un moment donné dans le film, je vais pas vous raconter tout le film, c'est un documentaire sur les humains. Voilà, au bout d'un moment, la personne qui étudie les humains, ah, c'est un extraterrestre, hein, on le comprend, mais elle décide de prélever un mâle et une femelle, les mettre dans une cage et les étudie, quoi. Et puis après, arrive plein plein de choses. Mais du coup, c'est ça qui est super intéressant, c'est de voir notre comportement vis-à-vis de quelque chose de vraiment étranger, quoi. Je trouve l'angle d'approche pertinent. Et donc, du coup, à un moment donné, ils sont en train d'analyser ce qu'on mange, comment on se nourrit, en fait, et ils disent quelque chose d'étrange, ils ne mangent que des cadavres et des embryons d'animaux. Et en fait, le gars dans le restaurant est en train de manger un steak tartare et casse l'œuf, le Par jaune d'œuf dessus. dessus. Ouais, voilà. C'est vrai que Donc, si on y réfléchit, c'est chelou. il est pas super comme film visuellement, quoi, mais ça va, ça se regarde facilement. Il a quelques années, mais bon, ça se regarde bien. Mais tu vois, là, tu disais au début, ça démarre Bernard comme un Werber, quoi. documentaire sur le Sur sur euh, l'humain. sur l'humain et après, tu vois, il y a un élément perturbateur et puis il se passe quelque chose. Quelque part, il y a énormément de trucs de science-fiction où je trouve dommage qu'il se passe quelque chose. Ah, mais il y a des films de SF où il se passe rien, hein. Oui, non, mais En c'est... général, ils sont considérés comme des navets, mais c'est pas le cas. Mais Oui, ils sont pas une aimés par les approche, gens. bah oui, il faut une approche un petit peu différente. Ben ouais, non mais prenons À l'aube du septième jour, justement, parce que c'est un film qui est considéré par beaucoup comme un film de merde et un film d'action, et parce que voilà. Alors, à l'aube du septième jour, Septième jour, pardon, à l'aube du probablement d'ailleurs. septième jour, il faut que tu Ou du me sixième, non, c'est resitues. sixième sens, c'est, je sais plus, bref, je crois que ça doit être À Ouais, l'aube il faut que du tu me huitième jour. resitues le truc C'est parce le que là, truc du moi, je. clonage avec Encore? Schwarzenegger. Oui, c'est le même que Mais tout t'as à vu que l'heure. Mais celui-là? parce que, non, mais Merde, je me parce suis que, dit, tu vas m'en parler d'un autre, tu vas me en parler soi, d'autre chose. c'en est un qui m'a bien marqué et qui sert bien mon propos, en fait, parce que je pense qu'il y en a pas mal qui l'ont vu parce qu'il avait fait un bon tabac à l'époque. Et tu vois, le truc qui est chiant. Bon, alors, on va prendre autre chose. On va prendre Jurassic Park. D'accord? Comme ça change le film. Et comme ça, je suis sûr que tout le monde l'a vu. Jurassic Park, j'aurais bien aimé qu'ils finissent leur visite. C'est très con, hein. Mais, Le en petit soi, tour en 4x4, ça t'aurait plu? moi, ça m'aurait Ah, suffi. ah, je sens comme une frustration. Ouais. C'est trop chiant. Je sais pas ce qu'il y avait après le truc du T-Rex, quoi. Ils font chier. D'accord. Je me suis jamais posé cette question. Bah ouais, mais alors prenons. Bon, alors, du coup, Titanic, ça marche pas. Parce que forcément, il se prend l'iceberg, Oh, c'est le non, mais tu. Titanic. Non, mais on va pas parler de Mais la Titanic, s'il te reconstitution. plaît. Non, mais la Moi, je voudrais qu'on reste reconstitution sur d'une Jurassic croisière de Park. l'époque, j'ai adoré. Ah, Bon, alors, revenons sur Jurassic t'as Park. aimé Qu'est-ce que. Titanic. Jurassic Park, j'étais déçu par le film parce que j'avais lu le bouquin, tu vois, pour Ouais, ajouter de ça l'eau à fait ton moulin de partie. tout à l'heure. D'accord, ça fait partie des Parce qu'il. choses qui. Mais t'avais lu le livre avant, j'espère. Ouais. Oui, Ouais, d'accord. j'avais lu le livre de Crichton avant, qui est beaucoup, beaucoup, beaucoup plus prise de tête. Je l'ai Ouais. lu un peu jeune. Étant donné que la théorie du chaos dont parle Ian Malcolm dans le film pendant 3 frames et demi, j'exagère, c'est un peu l'arc narratif, mais sans vraiment en parler de la vie. En fait, ils ont remplacé la théorie du chaos par la vie trouve toujours un chemin. Oui, la petite goutte d'eau sur la main, c'est la partie qui est la plus intéressante. Et elle fait presque rien, quoi. Parce que moi, j'ai l'impression que quand on nous propose un film, on nous prend pour des cons. Donc, on enlève toute la partie où les gens sont censés réfléchir, hein. Il faut qu'ils ouvrent la bouche, qu'il y ait un petit peu de bave qui coule et qui gobe le film sans réfléchir, quoi. Je trouve ça tellement dommage que, voilà, toutes ces parties intéressantes, elles soient substituées à de l'action. On dirait qu'il faut pas que il faut t'sais, il faut pas que tu t'endormes, allez, il faut que du coup c'est Jurassic Park, quoi. Et tu sais, tu m'avais dit que t'avais bien aimé ce bouquin. Ben je Ah, l'ai adoré, pourtant je l'ai lu comme je suis trois fois curieuse. à trois âges différents. D'accord, comme je suis curieuse, je Tu te fais l'es tapé. non, presque. J'ai lu jusqu'à la page 10, je pense. Ben t'as pas lu jusqu'à Sur la route, c'est dommage. Non. Et puis j'ai feuilleté le vite fait au milieu n'importe où comme ça. J'ai vu plein de schémas. Ça m'a fait peur. Il y avait plein de schémas. Je fais ah non. Surtout que moi je les ai déjà vus les Jurassic Park. Et puis les Mais t'as dinosaures. pas compris les schémas, du coup. Mais non, c'est pas ça. Mais les dinosaures, putain, je fais une overdose quoi. Mais Ça, c'est parce que il faut t'as remettre un ça dans le fils. contexte. Ouais, j'en peux plus, sérieux. Ouais, Enfin, c'est c'est pour pas que ça. j'en peux plus, mais j'en bouffe matin, midi, soir, et encyclopédie, etc. Donc, j'avais envie, par curiosité, de voir comment était l'écriture. Tu vois, j'avais envie de savoir si c'était, C'est pas le style. lisible, facilement, Ouais. le style littéraire est pas Ouais, super ouais. évolué. Ouais, mais Ça ça va. va. Je trouve que, ouais. Enfin, j'ai pas été déçue de ce que j'ai commencé à lire. Ensuite, je suis allée le rendre à la médiathèque. Mais j'ai trouvé ça intéressant. Des schémas dans un bouquin, c'est rare. Ouais, bah il a refait le coup avec Le Monde Perdu. Ouais. Ou pareil, et là c'est sur des fractales carrément. D'accord. Et où en fait. Et ça, je l'ai vu dans Numberphile, qui est. Je parlais de Computer File tout à l'heure. C'est une autre chaîne YouTube qui sont faites plus ou moins par les mêmes potes. Et enfin, c'est des profs, hein, tous. Ils sont très, très, très, très barrés des pieds. Genre, tu sais, les Alors, scientifiques dans les laboratoires ouais. universitaires. Donc ça, Tu c'est vois? une chaîne YouTube, tu m'expliques? Parce que tant qu'on y est, on n'a qu'à placer un ou deux podcasts, puisqu'à la base, on Bah là, était c'est pas parti des pour podcasts, c'est ça. des chaînes C'est YouTube. pas Mais grave. Oui, je c'est sais, il faut bien sensiblement. faire la distinction. Mais les podcasts finiront peut-être un jour par être sur YouTube, tout simplement. Je préférais que J'avais YouTube envie. ferme. Et pourtant, ça me ferait chier parce qu'il y a énormément de bons contenus, J'avais très très envie, mais. de te faire réagir. C'est pas mes copains, c'est tu sens que c'est des potes et qu'ils Ah! se et que les deux chaînes se et que les deux chaînes Se se s'entendent répondent de temps se en temps. répondent et s'entendent bien D'accord, et oui. se et disent tiens bah on a fait ça sur Computerfile qui parle principalement d'informatique parce que c'est le département d'informatique de l'université de je sais plus trop quoi en Angleterre et ensuite t'as le département de mathématiques de cette même université mais qui fait aussi des vidéos et donc forcément ça se répond parce que l'informatique et les maths sont très souvent liés. Et il y en avait un justement qui avait expliqué ce que c'était ces schémas de fractales qu'il y avait dans Le Monde Perdu et expliqué pourquoi Michael Crichton l'avait mis. D'accord, ok. Je vais pas t'expliquer tout parce que déjà j'ai pas retenu la moitié suffisamment pour que ça donne une explication compréhensible, Ouais. mais en gros je sais pas si tu sais ce que c'est les fractales de base. Ah non, depuis le D'accord. départ, j'ai dit Alors oui. les tu C'était vois pour un pas te arbre? couper. Tu veux vraiment Oui, non mais c'est expliquer rapide ça à là tout de comprendre les suite? fractales. Tu prends un Ok, arbre, t'as le vas-y. tronc, puis ensuite t'as deux branches, tu peux en avoir plus. Ces branches se séparent en branches plus petites, puis en branches plus petites jusqu'aux brindilles. D'accord? En gros, une fractale, c'est ça. C'est un schéma qui va se répéter de plus en plus Ok. petit. Et donc si tu zoomes dessus, tu vas bah, les bronches aussi et les bronchioles et les machins pour les poumons, c'est pareil. Et en fait, ce que Michael Crichton avait discrètement foutu dans le bouquin, que la moitié des gens qui ont lu le bouquin, pour pas dire l'écrasante majorité, n'ont pas compris, c'est qu'en fait, il faisait un schéma de fractal random sur certains points, mais à la fin, ça faisait un pattern qui était connu et prévisible. D'accord. Et même si le début était chaotique, au sens littéral du terme, c'est-à-dire que c'était aléatoire. D'accord. Et c'était justement pour appuyer le fait que dans le chaos, on peut trouver des schémas qu'on peut définir à l'avance. Et le fameux le papillon qui bat des ailes au Brésil fait une tornade à l'autre bout de la planète. Et là, c'était à l'inverse de ce qu'il y avait dans Jurassic Park où de toute façon, on ne peut pas tout gérer. C'était ça le fond enfin, la thèse apportée par le premier bouquin, d'accord? Et dans le deuxième bouquin, c'était que dans le chaos, on a des schémas qui se répètent. Voilà. D'accord. Et c'est ça que, dans le film, ça a complètement zappé. Ouais, C'est c'est pas complètement développé. éludé. On en parle un petit moment comme ça, mais ça vient quasiment comme un cheveu sur la soupe. C'est expliqué par où, de toute façon, la vie se débrouillera toujours pour arriver à sauter les barrières, d'accord? Même si c'est à peu près ça que c'est. La vie, non, c'est pas la vie, c'est la nature ne supporte pas le vide. Aussi oui. Et eux ils ont traduit par la vie trouvera un chemin et puis c'est comme ça que comme par hasard ils peuvent avoir des bébés alors que c'est tous des toutes des femelles enfin voilà quoi. Ouais. Dieu crée l'homme. L'homme. Non, Dieu crée les dinosaures. Les Non. dinosaures. L'homme C'est quoi là? Vas-y. Dieu crée les dinosaures, Dieu détruit les dinosaures, Dieu Non, crée Dieu crée l'homme. l'homme Crée ouais, les l'homme dinosaures. détruit Dieu, l'homme crée les dinosaures. Les dinosaures Voilà. mangent l'homme, la femme hérite de la terre. C'est ça. C'est ça la réplique. Ouais, je l'avais pas. Ça fait longtemps que je l'ai pas vu. 3 semaines. Est-ce que tu... Non, c'est pas vrai. Je le vois un petit Non, bout, non, c'est c'est vrai? pour déconner. Oh, je vois un petit bout, un petit extrait par-ci par-là souvent, Bah, c'est mais culte comme après, film. c'est pas. Ouais, mais voilà, c'est comme je te dis quoi. Il y a même un podcast où j'ai entendu parler de dinosaures. Et en plus, il était bien. Le podcast, c'était Éteins ton ordi. Je sais pas si t'as déjà écouté. Non, je l'ai vu passer, mais je ne l'ai pas écouté. Eh ben, ils ont eu un épisode justement où ils invitaient un. Alors, est-ce que c'était un paléontologue ou un étudiant peut-être en paléontologie? Et c'était super Ah bah intéressant, tu m'étonnes. très très intéressant. Faut que j'aille chercher ça. Ouais, éteins ton ordi, ça s'appelle. C'est pas dans les tout derniers épisodes, hein, c'est vers le milieu ou peut-être plutôt le début, mais en tout cas, voilà. Ah, Karine, tu passes dans un tunnel. Je sais pas si ça vient de toi ou moi. Bah, ça vient peut-être. Bon, de toute manière, je l'éteins. Je ne t'entends plus. Qu'est-ce que je fais? Alors, il faut que je fasse quoi si tu m'entends plus? Ça a coupé. Bah, je recommence, attends. Bon, je sais pas si tu m'entends. Dans le doute, je vais t'envoyer un message. Mais oui! Message. Oui, Ah, je moi je t'entends, t'entends! ça y est, je Hey, te t'entends! re-entends. Oui, je Je sais pas ce t'entends, qui s'est Phil. passé, je sais pas si ça Phil. vient de moi ou de toi, du coup, parce que... Alors, hop là, hop Ça là, aurait je le été étrange mets. que tu m'entendes et que moi je t'entende pas si ça venait de chez moi, mais ça peut arriver Mais moi, aussi. je t'entendais. Ouais. Bah oui, c'est pour ça, du coup, Moi, je t'entendais, j'étais toute triste d'un coup, tu te rends pas compte? J'ai eu peur. J'ai paniqué. Et là, comme tu me réponds pas, je suppose que tu m'entends plus. Voilà. Et puis, je vais attendre que Phil y revienne, parce qu'apparemment, il a quitté le Mumble, parce qu'il a des problèmes. Tant pis pour lui, vous allez m'avoir pour vous toute seule. Je vais pouvoir continuer à vous parler de VSF sans lui. Alors, il faut savoir que, s'il y a des personnes qui veulent avoir un petit peu un axe de lecture pour commencer la SF ou quoi, il y a quand même un podcast qui est génial pour ça. C'était, pourquoi je dis c'était, je mets à l'imparfait n'importe quoi. C'est l'agence Too Geek où là il y a des chroniques de gars. Juste la façon dont il en parle, tu peux pas faire autrement que d'aller lire le livre. Et du coup, je prenais des notes quand j'écoutais ça au début. Je me disais, oui, il faut absolument que j'aille voir que j'aille me chercher ce bouquin, ce bouquin, ce bouquin. Et j'en ai lu pas mal, bien sûr, mais grâce à eux, j'ai lu Des fleurs pour Algernon. Alors, je sais pas si tu connais Phil, et je sais pas si les gens qui nous écoutent connaissent. C'est typiquement de l'ASF comme je les aime, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de vaisseau spatial, il n'y a pas de guerre interstellaire. Ça se passe sur Terre. C'est de Daniel Case, en supposant que ça s'écrit comme que ça se prononce comme ça s'écrit. Bon bref, ça on s'en fout. Alors, c'est ça qui vous intéresse. Eh bien, il n'y a pas de chien dans celui-là. Et non, il y a une petite souris. Alors. Non, je vais vous faire le, je vais vous expliquer quand même, puis je vais essayer de vous le faire bien. Alors, Algernon, c'est une petite souris, c'est le nom de la petite souris. Le personnage principal, c'est Charlie. C'est un jeune homme qui est attardé mental. Et le rapport entre lui et la souris, il est très simple, c'est qu'ils ont fait des expériences sur des souris pour augmenter le QI des gens. Et comme ils ont vu que sur la souris ça fonctionnait, ils proposent à cet enfant qui a apparemment relativement très peu de famille de faire le test sur lui. C'est quelqu'un qui est suivi de toute façon par des médecins, donc ils avaient déjà des contacts plus ou moins avec cette personne. Il est apprenti dans une boulangerie, je crois. Ça a pas trop d'intérêt. Enfin, je veux dire, c'est pas grave si on ne sait pas si c'est une boulangerie ou autre chose. Donc il va subir cette expérience, qui va faire que il va avoir son QI qui va se développer au fur et à mesure. En fait, il va pas devenir intelligent d'un coup. Il va au fur et à mesure grandir dans sa perception du monde, dans sa faculté à apprendre des choses, dans ses voilà. Et c'est super intéressant. En plus, l'écriture qu'il y a dans ce bouquin est C'est démonstratif dans son évolution parce qu'en fait, les premières pages sont écrites comme une personne qui n'a pas toutes ses facultés mentales. Donc du coup, vous allez avoir plein de fautes d'orthographe, mais ça se lit quand même super bien. Et au fur et à mesure, il va évoluer et son écriture va évoluer aussi. C'est écrit un petit peu comme je vais dire comme un compte-rendu, un journal intime, quelque chose comme ça. Et du coup, il va avoir un angle de plus en plus critique face aux gens qui l'entourent. Et je vais pas vous raconter toute l'histoire, hein, mais il va découvrir toute la partie, les mathématiques, les sciences. Après, il va vraiment, vraiment devenir extrêmement calé. Il va découvrir aussi les relations avec une femme. Et c'est là qu'est tout l'intérêt, je trouve, de l'ASF, c'est que vous avez donc une expérience. Voilà Phil qui revient, il a raté tout le bout, c'est pas grave. J'en ai marre, j'ai raté ton histoire, c'est trop pourri. Ouais, c'est nul, hein, tu seras obligé d'écouter le podcast. Je sais même pas pourquoi, du coup Chut. je peux pas réagir dessus. Alors du coup, voilà ce jeune homme va arriver à nous faire poser une question qui est vaut-il mieux être simple d'esprit dans un monde où finalement quand on ne se pose pas de questions bah tout va bien ou tout comprendre? Et est-ce que tout comprendre c'est vraiment là que j'apprécie la SF, c'est quand elle te fait Est-ce réfléchir. que c'est la clé du bonheur? Alors des fleurs pour Algernon. C'est pas super long à lire, hein, et puis mais non, mais c'est vraiment vraiment bien. C'est pas cucu, hein, c'est pas un roman fleuve ou quoi. Non, c'est vraiment prenant. Et puis la petite souris, tout ça, enfin voilà. En fait, il y a de tout. Il y a le côté scientifique pour ceux qui aiment bien cette partie-là, il y a le côté humain pour ceux qui aiment cette partie-là, il y a le côté un petit peu animaux de compagnie pour ceux qui aiment bien ça, il y a l'histoire d'amour en même temps, il y a tout. Il y a tout ce qu'il faut pour me faire rester dans un bouquin comme ça. Puis c'est un super auteur. Alors une fois que t'as fini ce genre de bouquin, tu dis ouais, qu'est-ce qu'il a écrit d'autre ce mec? Je veux lire tout ce qui va avec. Donc voilà. Il faut que tu mettes le nom dans le poste parce que Algernon, je sais pas comment tu l'orthographies. Ah d'accord. Donc des fleurs, ça va. Oui, moi jusque-là, ça va. Pour, ça va. Et Oui. Algernon, c'est Algernon. Comme ça se prononce, quoi. Voilà. Oui, non, mais c'est vrai que tu fais bien de demander parce que moi, je l'ai sous les yeux, sous, je l'ai eu sous les yeux assez longtemps pour plus avoir à me poser Oui, cette ça question. joue. Il y a deux éditions, je crois. Il doit y en avoir une un peu plus light et puis il y a l'intégrale. Et d'ailleurs, Donc vu que voilà. tu parles de est-ce qu'il vaut mieux être con et être heureux Eh ou bien, tout ça savoir. rappelle la phrase forcément de Heureux les simples d'esprit. Oui, aussi. Mais moi, ça me rappelle, je sais plus qui c'est qui a sorti ça, je sais pas si c'est un prof, si je l'ai vu dans une conférence, si c'est quelque chose de connu, bref, ça me rappelle donc quelqu'un qui avait donné la réponse à pourquoi plus on en sait. Moins on a l'impression de savoir comment ça marche et de savoir ce qui se passe. Mais où ça pouvait se comprendre avec une simple analogie, avec une image ou une expérience si tu veux la faire à la limite, mais tu peux l'imaginer dans ta tête. Tu prends une lampe torche, d'accord, et tu la mets très près du sol. Tu vas éclairer une faible zone, d'accord. Cette zone que tu éclaires, c'est ce que tu connais, d'accord. Et le périmètre de la zone éclairée, c'est ce que tu connais pas. Plus tu vas augmenter la hauteur qui sépare ta torche du sol, plus le champ de ce que tu connais va être grand. D'accord? Mais Oui, plus le mais... périmètre de la frontière de ce que tu connais pas va être grande aussi. Donc en fait, plus Eh tu oui. connais, plus tu es conscient de ce que tu, de ce que, de ton ignorance. Donc c'est pour ça aussi que heureux les simples d'esprit, parce que tu ne te rends pas compte de tout ce que tu ignores, en plus du fait de l'ignorer. Du coup, tu ne te stresses Oui. pas dans le fait que tu ne sais pas ce qui se passe. Et puis il y a aussi là toute la perspective de la cruauté. De la cruauté Des des hommes autres, envers les oui. hommes. Oui, des autres, bien sûr. L'enfer, Parce c'est que les autres. finalement... Là, c'est placé. Ouais. C'est gay, dis donc. Je trouve qu'on fait une émission bien gay. Moi, je suis là en train de vous parler de l'horreur de comprendre les choses. Qu'il vaut mieux rien comprendre en fait finalement. Et puis des films ultra tristes où tout le monde meurt à la fin et que j'adore. Bah non mais si c'est pour regarder des films où il se passe rien et les gens sont contents, il y a la petite maison dans la prairie encore, même là il y a sa dose de drama. Ah ouais. Hein. Mais Non, les Barba Papa peut-être. ouais, c'est vrai. Non, de temps en temps il y en a un qui est triste parce qu'il a cassé un jouet ou des trucs comme ça ou non, ça peut arriver. Moi j'aime bien Barbouille. Oui. C'est le noir avec des Oui, poils. bah ouais, c'est j'aurais dû appeler mon chat comme ça, il est noir avec des poils aussi. Celui que j'ai C'est dit bien. là que j'appelais poulet et que voilà, on aurait dû l'appeler Barbouille. Donc voilà, moi j'ai parlé d'un bouquin que j'aimais bien. Après, je peux vous parler de plein de bouquins que j'aime bien. Hein. Mais ça, c'est parce que quand tu écoutes l'agence Too Geek, eh ben, tu as des aiguillages comme ça et c'est génial. Mais tu vois, c'est là que je regrette de pas avoir plus de temps pour lire. Tu vois, ou de pas prendre Ah, c'est plus le sûr temps de que... lire. La Alors, vie, c'est une pour question de lire, priorité. il faut être déconnecté. Oui, c'est ça la difficulté. Sinon, tu trouves toujours quelque chose à faire, à écouter, à regarder, à répondre, à machin. Et Et c'est là voilà. pour moi la suprématie du Kindle par rapport à lire sur un téléphone ou sur un iPad. Ah ouais? Ouais. Tu lis sur un Oui, Kindle? je lis sur un Kindle parce que j'aime bien pirater les choses dont je profite. Et après, j'achète pour les stocker religieusement dans mes étagères quand j'en suis content. C'est très con, mais J'ai pas fait la remarque. oui, non, mais ça pourrait être débile. Tant qu'à faire, je pourrais Donc en fait, tu vas acheter le bouquin. pour pas le lire, mais juste pour l'avoir parce qu'il m'a plu. Ça, j'arrive à Mais sous comprendre. une Ça, forme je de le conçois relique, si tu plutôt veux, en pas fait, au mal, oui. final. Mais la démarche financière, c'est quoi? C'est d'avoir le. Ben, comme tu C'est presque de t'achèterais un. remercier l'auteur en achetant le truc? Ou Non, en même partie, pas. T'as même pas pensé à en ça, en partie, fait. oui, mais c'est le côté légitimité de le. Je vais pas acheter un bouquin pour le mettre dans mon étagère et pas le lire. D'accord? Ça serait complètement con. Oui. Mais par contre, j'aime bien avoir l'objet physique quand quelque chose m'a marqué, un produit culturel m'a marqué, que ça soit un film, que ça soit. Par exemple, je sais que dans pas longtemps, je vais me racheter une édition Blu-ray ou DVD du film Matrix parce que le DVD que j'ai là, il est en rade. Et une des raisons pour lesquelles je les achète, c'est parce que c'est plus facile à prêter aussi. Ah, Parce que dis va donc. prêter un truc. Donc en fait, je dis pas que je les achète principalement pour les prêter, mais je les achète parce que je les aime bien en tant qu'objet dans mon univers, d'accord, physique. Parce que les apercevoir dans mon champ de vision ou les voir dans mon bureau, ça me rappelle l'expérience que j'ai vécue en les lisant dans le cas des bouquins ou en les regardant dans le cas des films. Et c'est pour ça que j'ai cet attachement quand même un petit peu aux objets physiques, les livres, les DVD, les Blu-ray, ce genre de choses. Malgré le fait que j'ai un Kindle, donc dans l'absolu, je peux pirater tous les livres que je veux. Je suis pas obligé de les acheter. Et pourtant, je suis content de les avoir. D'accord. Donc Ouais, d'accord, ok. après, Moi, je oui, les des fois, achète pas. mais je vais pas dans un magasin pour aller acheter le bouquin. Je le commande sur Amazon. Tu vois. Non, on va pas commencer le débat. Quand tu Non, parles de non, non, mais quand tu parles de démarche, j'ai pas cette démarche d'aller dans un non. magasin pour. C'est Ouais, juste, je suis au 9/10e du bouquin. Je fais ouais non, il est vachement bien. Je me le commande comme il arrive après, j'ai eu le temps de finir le 10e qui manquait. ok. Ok. Alors moi, j'aime bien l'odeur des livres. Donc le Kindle, bon, ne m'intéresse pas. J'ai testé. Il faut dire aussi que c'est quand même pas donné toujours un livre. Hein. Oui, s'il te plaît Ça pas, ça fait dépend mal. la consommation qu'on a. J'ai une super médiathèque à côté de chez moi et tenue par des personnes qui sont assez jeunes. Donc je trouve que le choix des bouquins qui mettent En avant. ouais est pas mal. Alors il y a beaucoup de choses qui me tentent. Alors comme j'y vais toutes les semaines pour renouveler ma collection de dinosaures, hein, parce que les enfants se lassent vite. Bah oui, Voilà. c'est bien connu. J'en profite pour moi aussi, forcément. Et du coup, les bouquins de SF, je les achète, ok. Livre de poche, tu vois, c'est bon, il est dans mon sac, je le trimballe avec moi. Mais il y a quelque chose dont je n'avais pas accès quand j'étais plus jeune, parce que c'est quand même cher. C'est tout ce qui est BD. Oui. Ou quand t'as un album qui est entre 10, 15 euros, Et parce que que tu c'est une belle défonces en une couverture. demi-heure. Voilà, et qui a 10 tomes, c'est pas possible. Déjà, ça prend une place de Moi, ouf ouais, mais et non, mais ça moi, coûte une l'essence, blinde, quoi. voilà, moi, ça, je peux pas. C'est tout. Bon, après, on va dire, oui, mais faut, enfin, chacun ses priorités. Ben ouais, moi, ma priorité, c'est d'avoir un frigo plein. Du coup, C'est tellement bas comme priorité, Karine. oui, Juste un ouais. frigo, quoi. C'est pour ça que Et j'ai la choisi le nourriture de cheval. l'esprit. Alors, on va, si tu veux, on peut parler de la pyramide, Des besoins. des besoins de Maslow, c'est ça? Je crois, ouais. Je sais pas, c'est possible. Si, si, si, Oui. Moi, je connais c'est juste la ça. pyramide des besoins, point. Après, de qui je m'en tamponne un peu. Bon, on n'en parle pas alors. Non, mais sérieusement, Ah non, je m'en j'ai eu tamponne pas, donc mais du c'est juste coup. qu'ils oublient systématiquement le code du Wi-Fi dans la pyramide des besoins. Alors, j'ai eu accès à des BD que je serais peut-être pas non plus même allée, ne serait-ce que feuilleter en allant à la Fnac ou chez Cultura, parce que moi j'aime bien aller chez Cultura, et quand je vais chez Cultura c'est l'horreur parce que je claque forcément un billet à chaque fois. Mais donc du coup, voilà, bref. Si c'est un billet de 5, c'est pas grave. Non, c'est plus que ça. Je me doute, mais. Alors. Là, ce que je suis en train de lire, c'est DMZ, zone dématérialisée, mais DMZ en anglais. Démilitarisé, tu veux dire. Oui, qu'est-ce que je viens de dire? Bon, Matérialisé. attends, redis voir. Zone C'est démilitarisée. démilitarise. Je couperai ça pour pas avoir l'air con. Bien Donc sûr. Et ça, les gens qui ont entendu ce passage non coupé vont faire, ah ah, Karine, elle est bien bonne, tu nous l'as fait à chaque épisode. non. Donc, ce que je suis en train de lire en ce moment, c'est la DMZ, zone dématérialisée. Ah ben, tu vois, je leur dis. Démilitarisé. Ah, tu arrives pas. Il y a des choses comme ça que j'arrive pas à lire. Bref, donc c'est une BD sur une, c'est de l'anticipation peut-être, de la SF, je sais pas. En tout cas, c'est vraiment très très proche. Et l'hypothèse qu'il y ait une guerre dans New York, une guerre civile, où le centre de New York est Étant ouais. DMZ, on va Et dire. c'est super bien. Enfin, j'ai pris le bouquin, tu vois, au hasard dans la section BD. Et les dessins sont super beaux, les personnages, tout ça, c'est vraiment super beau. C'est pas quand même trop survivaliste, un petit peu, mais il y a quand même une grosse. Il y a toujours ce côté ville Ouais. abandonnée qui devient une espèce de décor slash terrain de jeu, enfin terrain de jeu pour l'auteur, hein, je parle, et décor de l'action. Il n'y a plus de règles en fait, hein. Les gens sont livrés à eux-mêmes, donc ils reconstituent leurs règles, leurs codes, Ou ils leur reviennent à un stade beaucoup plus primal, primaire. Non, ils essayent quand même de maintenir une société pas trop bancale, mais ça reste à la loi du plus fort. Et Oui, c'est alors, ça que je on disais a quand tu le. reviens à des instincts plus primaires. C'est que justement, c'est tu reviens à la loi de la jungle en un sens. Et comment est-ce qu'on arrive dans cette situation? Je parle pas de comment est-ce qu'on arrive à avoir une guerre et tout ça, c'est très bien expliqué dans la BD, moi je saurais pas le faire. Mais tout le reste des États-Unis continue à vivre à peu près normalement, sauf ce point central à l'intérieur de New York. Oui, entre le marteau et Et l'enclume, du coup. donc il y a une grande partie des gens qui ont été évacués au départ, et puis au bout d'un moment ils pouvaient plus, ils ont été obligés de fermer la zone, et donc il y en a beaucoup qui sont restés dedans, pas par choix, mais ben voilà quoi. Ils sont là et ils n'ont pas le choix, et il faut qu'ils vivent comme ça. Pour avoir des informations de cette guerre, il y a un journaliste de guerre qui y va régulièrement. Il lui colle un petit stagiaire. Le journaliste de guerre arrive là, il est déposé en hélico ou je sais pas quoi. Il se fait assassiner et c'est le stagiaire qui reste, Matthew. Et c'est à travers ses yeux qu'on va vivre toute cette guerre avec les clans qui vont défendre Central Park et puis les clans qui vont descendre ça. Et puis les sociétés qui sont censées venir Les pendant ou clans. après la guerre pour reconstruire le pays, tout ça. Bon, voilà, il y en a qui sont aussi envoyés là où c'est que tu vois que finalement la guerre a un prix et qu'elle peut être rentable pour certains. Enfin, c'est plein de. Et donc il y a un côté Ah, complètement, géopolitique c'est dénonciateur du système. et financier et tout. Ouais. C'est un peu complexe comme ça, mais du coup, ça s'étale sur pas mal de volumes, donc on le prend au fur et à mesure, et puis voilà. J'aime bien. J'aime bien ce genre de truc. Écoute. Je vais vraiment Mais passer toi, pour une effectivement, toi, personne le tordue. post-apo, c'est vraiment ton. Mais non, mais c'est. Et Mais quelque part, c'est génial, quoi. c'est ce qui. Toi qui aimes bien analyser les gens, sinon t'aurais pas fait du tête-à-tête avec tout le monde, parce que je sais qu'au fond, tu veux juste essayer de voir ce qu'on a dans le cerveau et nous sortir les vers du Je nez. sais pas. Non, c'est pour rigoler que je Ouais, dis mais ça. j'irai plus loin, mais pas aujourd'hui. Je laisserai cette phrase en suspens. Si tu veux. Suspends qui tu veux, ça me va. Le post-apo, mais c'est vraiment, Ouais, le vraiment post-apo a l'avantage de montrer le mauvais fond. le masque derrière, enfin, de montrer derrière le masque que nous impose la société, Ouais. au final. C'est-à-dire, on est dans ce carcan de règles, etc. Si un jour ces règles Et disparaissent, arrive quoi? en vrai, qu'est-ce qui se passe? Même pas des règles, En hein, vrai, on se met c'est sur la même plus que des gueule. règles, c'est des limites Des et ouais. contraintes, des. Des Ouais, interdictions, parce que. des voilà, hein, si la personne elle arrive à être débridée, qu'est-ce qui se passe quoi? Et C'est vrai, puis parce qu'on tue pas notre voisin parce que c'est interdit. On tue pas notre voisin parce que sinon on va en prison. D'accord? La nuance est la nuance importante. est importante. Et là, il se pose aussi toute la question de qu'est-ce qu'on diffuse quand on est journaliste, qu'est-ce qu'on montre, comment les images sont tronquées, comment est-ce qu'elles sont manipulées. Toi, ça, c'est super, super intéressant. Franchement, je vous conseille. Ouais, tu me l'as bien vendu là. Je vais le Et noter. là, et puis moi, j'aime bien le dessin. Tu vois, j'accorde beaucoup d'importance à l'image. Alors, j'aime bien quand l'auteur il a et le scénariste et le dessinateur. Souvent, ils sont pas tout seuls à faire la BD. Oui, Il y a plusieurs personnes. et des fois, il y en a un qui s'occupe que de la couleur. Ouais. Et le J'aime bien, vraiment bien, quand tout ça c'est bien léché, quand c'est bien bien fini, quand la couleur elle est bien posée. Et là, on retrouve tout ça. Il y a même des moments. Ah, où... c'est pour ça que t'as pas aimé The Walking Dead du coup en BD aussi. Il ça faut a que pas ce dû soit. t'attirer. Enfin, ouais, il faut que ce soit. Ah, oh, je sais pas. Non, je sais pas. J'ai. Tu vois, ce qui m'a fait tiquer dans Walking Dead, c'est. Voilà, je sais pas les noms. Donc la fille avec les sabres, la Black, que je trouve Ouais. tellement belle. Michonne. Michonne, que je trouve tellement belle dans la série, C'est je vrai l'ai qu'elle pas claque. retrouvée dans la BD, et c'est à ce moment-là que j'ai décroché. Je l'ai pas retrouvée comme je voulais l'imaginer. Ça veut pas dire que c'est pas bien, hein, c'est comme moi j'avais envie de la retrouver, quoi. Bon, enfin bref. Et je vais pouvoir placer un podcast. Coucou. Non, Et c'est franchement, que le allez. deuxième que tu arrives à placer, Franchement, c'est étonnant. si vous avez envie, allez lire cette BD. Elle est top, elle est vraiment top. Et comme je disais, oui, c'est vraiment bien dessiné et beaucoup de respect pour le personnage. Tu vois, quand il y a une personne qui est dénudée ou quoi, c'est bien fait, quoi. C'est pas crade. Il y a tellement de BD où, ben, voilà, il n'y a pas cette finesse-là, et là on la retrouve, et ça c'est vraiment vraiment agréable à voir. Et t'as même des articles au début de la BD ou à la fin, des faux articles, mais qui ressembleraient à des articles de presse pour te resituer le moment et tout ça, et voilà, c'est bien. J'en suis au Ouais, ça tome fait une 6. immersion Ouais, supplémentaire j'en en suis au fait, tome du coup. 6. Et bon, ça vous file pas la sourire ou la patate, hein. On est bien d'accord. C'est pas du tout le but. C'est pas ça qu'on cherche. Mais voilà. Moi, je suis tombée amoureuse de la fille, vraiment. Et puis, T'es tombée amoureuse de la ouais, dans la fille. BD, ouais, je la trouve trop belle. Je suis toute son histoire, tout ça, voilà. Je suis tombée amoureuse de ce personnage. Et figurez-vous que j'étais en train de chercher un podcast à écouter parce que il m'en manquait un petit peu dans ma playlist. Et j'avais envie d'écouter. En fait, j'ai toujours pas trouvé le podcast que je cherchais, mais c'est pas grave, je suis tombée sur autre chose de très intéressant. Je De toute cherchais façon, un. je pense que l'ensemble de tes abonnements, il doit y avoir un sacré paquet de trucs intéressants. Je cherchais un podcast sur la peinture et l'art. Alors, s'il y en a qui en ont un et que ce soit intéressant à écouter, j'insiste bien, je veux que ce soit audio. Je suis sûre que, comme il y en a qui font des podcasts sur la photo audio, je suis sûre qu'il y en a qui peuvent faire, qui en font. Hein, un podcast sur la peinture. Je voudrais vraiment écouter ça. Bref, je tombe sur un podcast de BD qui s'appelle One Ice Club Connais. et qui est. Je vois qui c'est. Oh, je regarde chez Waouh, 100 et quelques épisodes. Bon, en général, ça me refroidit puisque tu sais que j'aime bien reprendre tout Oui, toi, depuis le zéro. tu veux violer le flux Ah RSS à oui. chaque fois. Donc non, ouais, ça fait un peu beaucoup là. Et puis il y a le, je vois qu'ils ont fait un espèce de des trucs parallèles, un peu. Est-ce que c'est des hors-série ou pas? Enfin, et là il y a 3-4 épisodes. Eh ben je voilà, parfait. C'est, je vais me les refaire. Et Faut que t'apprennes à prendre des flux RSS en route, toi. je t'ai dit que j'aimais bien aller jusqu'au bout des choses. Alors j'aime bien Bah comment. oui, mais quand même. Bon bref, et puis de toute manière, franchement honnêtement, je serais pas allée écouter un podcast de BD. Parce que je me dis, ok, c'est bon, ils vont nous parler de comics et j'y connais rien. Donc, puis je sais pas, ça Bah au me... final, DMZ, c'est un Bah comics. oui, mais comme je l'ai eu en main, tu vois, la médiathèque, la couverture était pas souple, elle est belle, c'est la belle édition, ben ça m'a pas fait pareil, quoi. La couverture, elle est toute noire et tout, enfin, ça m'a parlé, quoi. Il n'y avait pas un super-héros sur la couverture, Green Lantern, tout ça, moi, ça m'a jamais parlé, quoi. Donc, c'est pas mon délire. Bref. Et la première épisode que j'écoute, il parle de quoi? Justement de cette BD de DMZ. Et ils ont une interview. Ils vont interviewer le dessinateur. J'ai trouvé ça génial. Je vais. Bon, j'ai pas trouvé le podcast que je cherchais, mais celui-là, je vais le suivre, c'est sûr. Et ils ont un angle qui est, tu vois que ils savent de quoi ils parlent. Bon, en même temps, sinon, ils en seraient sûrement pas au 100e épisode, hein. C'est logique. Oui, en même temps, tu vois, si quand on est... Non, c'est les deux qui vont ensemble. Je suis pas allée écouter les autres. Toi, tu les écoutes? J'en ai écouté quelques-uns, mais juste sur le principe que tu dis, s'ils s'y connaissent, en même temps, ils seraient pas allés jusqu'à 100 épisodes. Non, c'est aussi parce qu'ils sont allés jusqu'à 100 épisodes qu'ils ont travaillé leur truc. Et qu'à force, tu t'y connais. Plus tu t'intéresses à un sujet, plus tu vas t'y connaître. Plus tu t'y intéresses longtemps, plus tu vas t'y connaître, plus tu C'est vas pas accumuler faux. les connaissances. La voie des bulles, ça s'appelle. Mais il y en a deux. Il y a Donc, deux ils ont trucs. le OEC, il y a la voie des bulles, et il y a One Eye Pie, Ouais. truc comme ça. Et c'est effectivement deux choses différentes. Est-ce que c'est deux choses différentes ou est-ce que c'est deux choses qui se complètent? Tu vois, je suis pas allée jusque-là, j'ai juste écouté les. Je connais pas assez pour J'ai pouvoir me juste été prononcer. écouter les trois trucs. Ou alors j'ai écouté que J'avoue que je les. connais Alors il y pas a la assez. splash page, c'est facile à dire. Et c'est possible que ce soit ça que je suis allée écouter. Il y a un truc, c'est écrit DBD et des glaçons. Je suis pas allée écouter ça, ça m'intéresse. Oui, numéro 4, c'est ça que j'ai écouté. La splash La page. splash page, la Putain, mais c'est splash page. super dur à dire. Un petit peu. Et dis-toi que eux, ils le disent à chaque début de leur podcast. Imagine le nombre de fois où ils refont l'enregistrement. Ils disent, attends, merde, la splash. Ah Oh putain. putain. Et c'est bien parce qu'en fait, tu vois, je retrouve la façon de parler de personnes qui savent dessiner. Je suis sûre que dans le tas, je dis pas, dans le groupe, je suis sûre qu'il y en a qui dessinent. C'est obligé vu la façon dont ils en parlent. Et j'apprécie ça. Voilà. Ah ben c'est possible qu'au minimum il y en ait qui se soient essayés à le faire. Ça c'est J'ai pas encore bien compris qui était qui. Je me suis pas encore. Tu vois, dans le podcast, on retrouve justement cette espèce de lien, cette affiliation qu'on arrive à affiliation? Non. Qu'on arrive à trouver. non, Non. Cette l'affinité. affinité. Attends, je vais Ouais, refaire ma parce phrase. que Ça sera coupé. d'accord. Pourquoi faire? Oh, mais c'était pour rire. Perte de temps, Mais c'était pour rire. Donc. couper des trucs. Donc ouais, donc on retrouve justement, je sais plus ce que je disais, tu vois? Cette Ouais, affinité, cette je affinité, l'ai tu pas cherchais. encore en écoutant ce podcast, mais comme j'ai vraiment apprécié le contenu, Ouais, ça c'est t'a, pas ça des gosses qui t'a. viennent me parler de BD, c'est quelque chose de bien plus intéressant. Eh bien, je vais continuer à les écouter, je pense. La splash, Donc ça, c'est la la splash page. splash. La splash Non page. mais C'est compliqué à sérieusement. dire. On sent qu'ils l'ont d'abord écrit avant d'essayer de le prononcer. Et ils ont fait, ouais, c'est J'en classe. sais rien, mais voilà. Et du coup, c'est le One Ice Club. Club. Ça va, ça se dit encore pas trop mal. Ice Club, ouais, ça va Ouais, encore. One Ice Club. Mais 124 épisodes. Ouais, pour toi qui veux absolument violer le flux, ouais, c'est chaud. Alors que moi j'aurais pris en cours de route déjà, tu vois. Ah bah voilà, c'est comme ça. Et bon bah du coup je n'ai pas mon podcast sur la peinture, hein. Je l'attends toujours celui-là. Non. Bah attends, t'as fait une recherche sur PodCloud pour voir s'il y avait pas des trucs sur la peinture? J'ai tapé peinture. Ouais, ça a pas Donc marché. Ouais, mais on a une recherche qui est pas top. je suis allée chercher sur iTunes. La trahison. Je déconne. Non, Oh, la grosse trahison. je dis ça pour t'embêter, c'est pas vrai, je suis allée taper peinture Oui, je dans sais. Podcast Addict. Ah, ça me dérange pas. Tiens, sinon, pour revenir sur le sujet, parce que j'étais en train de réfléchir, parce que mon cerveau était en train de divaguer en même temps, j'étais en train de repenser aux questions que ça nous fait nous poser, la science-fiction. Je t'avais parlé tout à l'heure de Au-delà du réel. Qui était comme étant l'ancêtre de Black Mirror. C'est bon, tu me suis Oui, jusque-là? oui. J'ai envie de te couper parce que j'ai envie de dire plein de trucs et puis je me dis non, Ah, laisse d'accord. parler Juste, film. note des trucs alors dans ça. Au-delà du réel, Et au-delà du réel. Au-delà du réel. Ça nous y contrôlons les est, j'y verticales et les suis. Ça y est, j'y horizontales. suis. C'est bon. Ouais, Tu ça vois? y est, j'y C'est suis. ça? Et moi, il y avait un épisode qui m'avait marqué. Pourquoi celui-là plus qu'un autre? Aucune idée. Et bizarrement, c'est que très récemment que y a quelqu'un qui a reposé la question et dans un podcast, justement. C'était l'histoire de quelqu'un, d'une étudiante qui devait juste aller étudier sur Mars, je crois en l'occurrence, et qui devait prendre du coup un téléporteur pour aller jusqu'à Mars. Sauf que la télétransportation se faisait, enfin, ça chie dans la colle pour faire simple. Et du coup, bah, elle était toujours à son point de départ. Sauf que le problème, c'était qu'elle n'était pas que à son point de départ. Parce que l'information avait été transmise jusqu'à la planète où elle devait aller étudier pour un an, d'accord? Donc, il y avait elle aussi sur l'autre planète. Et normalement, dans ce genre de situation, le personnel en charge du télétransporteur devait se débarrasser du restant. D'accord? Du Peut-être. restant de transmission. J'ai du mal à D'accord? te suivre en fait. C'est-à-dire de, en gros, elle sur place. Elle est sur place de quoi? Et elle est Un sur l'autre. télétransporteur. Oui, D'accord? d'accord. Mais alors Tu pourquoi elle est aux deux endroits normalement, en même tu... temps? Mais justement, c'est là que se pose toute la question de la D'accord, télétransportation. ok. Est-ce que la télétransportation, c'est toi qui meurt à un endroit et c'est un clone qui est créé à l'autre bout, avec tes souvenirs, avec Ouais. tout ton schéma Ou est-ce que neuronal, c'est avec toi qui ce qui es fait que... transporté? Ou est-ce que c'est vraiment toi qui es Comme la transporté? mouche. Ah. Par exemple. Je sais pas si c'est le meilleur exemple pour dire nous posons de grandes questions Je parle sur des du trucs film. fondamentaux tels que... Ah, oh, on Oui, est d'accord. j'avais compris, oui. La mouche de David Cronenberg. Putain, je vais dire Ça aussi, à mon Cronenbourg. avis, ça aurait été mieux en livre qu'en film, parce que le film a mal Probablement. vieilli. Mais Oui, assez mal. j'ai adoré ce film quand je l'ai vu quand j'étais petite, hein. D'ailleurs, est-ce que c'est normal que j'ai vu ça quand j'étais petite? Je me pose des questions quand même sur ton éducation parfois, sur les trucs que t'as vu comme. Eh oui. On continue à discuter un petit peu ou on s'arrête par là ou comme vous le voulez, monsieur. Je sais pas, comme d'habitude, il y a tellement de choses qu'on va avoir oublié de dire et que dans une heure, on va faire J'aurais dû en putain, j'aurais dû parler. parler de ça. Ouais, bah il y a plein de choses C'est hein, tellement un que classique. on pourrait en parler. Enfin moi je peux en parler pendant des heures et des heures et puis je peux dévier sur d'autres trucs. Je peux dévier sur d'autres BD aussi. C'est Aussi. des trucs glauques. J'ai lu une Mais de BD. toute façon, toi, c'est que des trucs glauques. Depuis tout à l'heure, tu nous parles que de trucs glauques ou de trucs dépressifs. J'ai lu Karl Marx en manga. Ah, ça te coupe, Quoi? hein? Oui, j'avoue, là, c'est bon, tu as toute mon attention. Et tu sais quoi? Karl Marx en Ouais. BD. Eh Ok. ben, tu sais quoi? C'est bien. Il y a deux petits volumes. C'est pas long en plus, hein. Ça fait C'est deux le petits. Ouais, capital? ça fait deux petits volumes. Mon Dieu. Préface quand même de Besancenot. Sachant que je ne Étonnant. suis pas forcément de ce parti politique, mais j'aime bien Oui, non, mais bon, savoir. s'il y avait quelqu'un qui allait faire une préface, Eh oui, Besancenot était un bon j'aime bien candidat. savoir, j'aime bien m'intéresser à certaines choses. Et c'est pas mal, tu vois. Franchement, j'étais étonnée, je l'ai pris plus par curiosité qu'autre chose. Clairement, je l'aurais pas acheté, hein, mais comme je te dis, dans ma médiathèque, ils sont plutôt pas mal. En plus, il y a une belle partie manga, qui est peut-être un peu plus pour les gosses, mais il y a une toute petite partie pour les adultes. Je suis tombée là-dessus, ça faisait que deux volumes, je me suis dit, ok, je vais me faire ça. Je les ai lus d'une traite. Vraiment super intéressant. Très, très intéressant. Peut-être un peu simplifié, hein, forcément, Oui, je hein, pense, oui, forcément, parce qu'il me semble que le mais capital, c'est quand même un truc, tu Eh peux ben caler une porte justement, avec. peut-être que, tu vois, une fois que t'as lu ça, tu dis, ok, c'est bon, allez, je m'attaque au capital, pour de vrai. Celui pour les grands. Non, non, peut-être pas. Mais tu Mais. sais ce que disaient des proches sur le capital? Non, parce que je suis pas. T'es pas des Non, progyennes, c'est non, ça? non, vas-y. Ouais. Disait que il fallait arrêter d'être anticommuniste primaire, il suffisait de lire 10 pages du Capital pour devenir anticommuniste secondaire. Pour dire à quel point c'était chiant. Donc c'est pour ça que du coup, ayant suivi les conseils de des proches, je n'ai jamais lu le Capital. C'est con parce que ça se trouve c'est super intéressant, Sais pas. je sais pas. En tout cas, la Tel a version manga est priori pas que... mal. Mais elle est Et du coup, simple, ça parle de quoi, toi qui t'es tapé le capital? Attends, et tu te rends compte que comme on est sur la fin, quand même, on va terminer le truc en parlant du capital de Karl Non, parce que j'ai Marx. encore quelque Alors, tant chose. qu'à faire. Ah oui, non, mais Quelque chose après. je voudrais quand même que tu nous expliques de quoi ça parle. Ah non, c'est un livre qui s'explique Du coup, t'as dû pas. comprendre. Et franchement, Tu peux pas faire ça, Karine. Les gens sont pendus à tes lèvres. Quoi? De fromage. D'accord, de fromage. Non, parce que, okay. Si tu veux, il y a une mise en situation. C'est le plus simple pour aborder ce genre de choses. Mettons-nous en situation. La situation, laquelle est-elle? Un vendeur. Situation, nous ne la connaissons pas, ni vous, un fabricant, ni nous, le petit chat. Voilà. Un fabricant de fromage et son fils et qui veut, et son fils va être plus dans la, dans le développement de l'entreprise, de ça, et puis il va avoir affaire à des investisseurs, et voilà, tu vas comprendre toute cette partie-là qui est du coup bien concrète avec l'histoire. Voilà. Et puis. D'accord. Mais tu penses que c'est vraiment tiré du bouquin, cette mise en situation, ou ça a été inventé pour la BD et pour mettre de la, en perspective les thèses du capital? Non, c'est tiré du bouquin. Mais c'est simplifié, d'accord. C'est ultra simplifié. Mais c'est intéressant. Un peu comme la Bible en BD pour les gamins, quoi. Bah ouais. Tu prends un truc qui alors fait 400 vois, pages et t'en fais une BD de 30 plus, pages, quoi. Plus facilement lire ça que la Bible en BD. Quoique. Oui, oui, bon. Alors, puisque tu parlais de trucs noirs et qu'on parlait de BD, alors là, on sort de la SF. On va parler de la Bible non, en BD. On sort de la SF. J'aime bien aussi les choses réalistes. Oula. J'ai peur. Oui, j'ai lu un manga. Pareil, qui est en... Allez, par contre, il est en pas mal de volumes. Hein. Est-ce que c'est 6 ou 10? Et puis, il est costaud, celui-là. Hein. C'est Jen d'Hiroshima. Alors, je vous mets l'ambiance. Ça part effectivement pas très joyeux. C'est... Puis moi, je me marre en disant ça, putain. Bon, alors, est-ce que... Carré. Sauvez-moi. Donc, c'est l'histoire d'une famille qui va, bien sûr, pendant la guerre, prendre sur le coin de la tête la bombe à Hiroshima. Voilà. Ça commence déjà, il pose la situation et ensuite arrive la guerre. Donc tu as toute la partie de comment fonctionne le système pendant la guerre. Et puis, tu as la bombe qui arrive et alors il t'épargne rien. Mais d'accord, les dessins ne t'épargnent rien. Du pendant, du après... et puis plusieurs même mois, plusieurs années après, vraiment, comment ont vécu les gens. Je ne sais pas si c'est une histoire vraie, par contre, l'auteur, lui, l'a vécu, donc il le dessine comme il l'a... Oui, après, l'histoire n'est pas forcément... Mais le ressenti est authentique, ouais, c'est ça. Je sais pas si vraiment, en fait. Je sais pas si l'histoire est vraiment son histoire. En tout cas, elle s'en inspire, je pense, beaucoup. Comme j'avais pas prévu forcément d'en parler, sinon je serais allée rechercher. C'est le genre de truc où tu peux pas dire c'est une belle histoire à lire. C'est intéressant. Bah, il y a 3 secondes, tu disais que tu te marrais devant ce genre de truc, non, je te rappelle. Non, parce que c'était hein, de la science-fiction. Et là, comme c'est pas de la science-fiction, clairement, je me marre pas. Ah, d'accord. Non, je me marre pas du tout, mais... C'est super parce intéressant que là, parce qu'en même temps, c'est de historique. De prendre au triple. C'est historique. Donc, du coup, c'est vraiment, ça paraît vraiment réel. Même si c'est un manga, ça paraît vraiment réel. Et voilà, j'ai pleuré. J'ai beaucoup pleuré. Ah bah, tu je m'étonnes. Pleure quand je lis des bouquins, mais je pleure aussi quand je lis des BD qui me font pleurer. Alors, Jen d'Hiroshima, c'est G-E-N. Hein. Oui, pas J-A-N-E. Ça, c'est la meuf à Tarzan. Ça n'a rien à voir. J'essaie de, il y a le film aussi. J'essaie de remonter un peu il y a le niveau film monde, aussi pour ceux qui veulent voir le, qui veulent pas lire le bouquin, tu vois, par exemple, s'ils veulent se taper le film, le manga, hein, parce que du coup c'est un manga. Mais c'est pas pareil. Le livre est bien plus poignant, bien sûr, forcément. Le film est trop, les personnages sont trop simplifiés, sont trop, ça fait trop dessin animé. Ça va pas. Alors moi j'ai, je lis ce genre de choses et je pleure. Je suis désolée. Oui. Elle est morte de rire. Je suis morte. Mais sinon, sans déconner, c'est, là, quand tu me racontais ça, ça me fait penser aux fameuses ombres qu'il y a, et notamment, il y a une photo qui est hyper ouais. connue, tu vois une ombre sur un escalier. Une ombre sur un escalier, c'est un tableau fait, ou c'est une photo? C'est quoi, de quoi tu me parles? C'est une photo où, en fait, tu vois un escalier et t'as une ombre de forme humaine sur l'escalier. D'accord? Mais pas une ombre au sens d'une ombre de lumière, tu vois, une forme qui est un peu plus foncée, d'accord, et qui a l'apparence d'une ombre, cette fois de lumière, d'accord, sauf que c'est vraiment dans la pierre, ok. T'as une trace, ou, voilà. De oui, forme mais humaine. Pourquoi tu parles de ça? Parce qu'en fait, ça, c'est t'en as quelques-uns, donc sur les sites d'Hiroshima et de Nagasaki. Okay. Et en fait, c'est l'ombre laissée par la oui. présence d'un humain oui, à ce okay. moment-là, ouais, et c'est au moment de c'est l'explosion. C'est dans la BD, ça. Et ça, mais à chaque fois que je C'est retombe atroce, dessus hein. par les hasards d'Internet, de, en plus, c'est des trucs de putaclic, de, oh, vous devinerez jamais à quoi ça correspond. Mais à chaque fois, mais ça me prend aux tripes parce que tu vois, ça a pris, ça a gravé dans la pierre la présence, au dernier instant aussi, la présence de quelqu'un à un moment et il est, ça lave, au moment de sa vaporisation, quoi. Tu fais putain quoi, je sais pas moi Alors, j'ai ça me retrouvé. Oui, quick, c'est tu vois. horrible, c'est clair. L'histoire retrace le parcours d'une famille au printemps 45 jusqu'en 53. En se concentrant sur le bombardement atomique du 6 août 45, l'histoire est basée sur la propre expérience de l'auteur, survivant du bombardement où il perdit son père, sa sœur et son frère cadet. Le père est pacifiste et puis il est en opposition avec la politique du moment, qui est une politique impériale. Voilà, ça vous pose un peu le truc. Donc c'est tiré d'une histoire vraie. Je sais pas son histoire exactement, mais quand même, si, un peu. Et t'apprends aussi au fur et à mesure des bouquins comment il apprend à dessiner et comment il se met à faire du manga et pourquoi ça sort. Enfin, c'est voilà, t'as vraiment sa vie. D'accord. C'est le bouquin qui s'explique lui-même en Ouais, plus. C'est c'est intéressant. super bien. Pour faire chier péremptoire, je veux dire que c'est de l'inception. Peut-être. C'est pas du tout ça, mais c'est. Non, c'est pas ça. D'accord. C'est juste un effet de. C'est une mise en abîme, en vrai. L'effet Vache-Kerry, Voilà. si tu veux. En beaucoup moins jovial que la Vache-Kerry, Non, bien entendu, hein, parce vu que qu'on moi parle j'ai quand même de bombes atomiques et de gens qui meurent, mais. moi j'ai pleuré. Franchement, j'ai Ah, pleuré. bah oui, tu m'étonnes. Bon. Et l'histoire de terminer, c'est sur une note plus positive. Tu vois, on parlait de choses qui nous font réfléchir, et justement, tu as fait une super transition, et on va complètement sortir de la science-fiction. Mais Bah vas-y, hein, je vais c'est pas un dire, problème. j'ai envie de partager un truc. C'est bizarre. Mon père m'a fait découvrir un Ton podcast. père t'a fait découvrir un podcast? Ton père Oui, écoute des podcasts? oui. Ah ouais? Bon, le problème, c'est que lui, du côté Radio France de Oui, mais Force. bon. Il bosse pas chez Radio France, hein. C'est juste que lui, quand il écoute des podcasts, c'est uniquement des podcasts de Radio France. Mais il les écoute sur PodCloud, comme quoi il a pas tout à fait tort. Parce qu'il peut écouter. Parce qu'en fait, l'avantage, c'est qu'il commence à l'écouter le matin, puis il continue de l'écouter Mon au père n'a boulot. pas de téléphone portable. C'est bien France Voilà. Inter, ça va encore. Et plutôt France Culture. En fait, c'est Radio France en général, mais il est plutôt France Et Inter et donc, France du coup, Culture. il t'a fait découvrir. Et il m'a fait découvrir un super podcast qui s'appelle Concordance des temps. D'accord. Tu sais que moi j'écoutais Affaires Sensibles et j'écoutais Temporium en termes de podcast entre guillemets historique, c'est-à-dire au sens que ça prend des faits d'actualité qui datent de Ouais. un peu plus qu'il y a la semaine dernière, et un peu plus qu'il y a la semaine dernière. Cette phrase était grammaticalement à foutre par terre. Ah, mais moi, je l'ai bien compris, c'est bon, Mais je l'ai bon, elle se intégré, comprend, toi. mais voilà. Ouais. Et en fait, Concordance des temps est assez intéressant dans le sens que contrairement à Temporium ou à affaires sensibles, ce n'est pas on prend une époque ou on prend une affaire, tu vois, qui a fait le tour dans les médias, et on la décortique. Eux, ils ont l'avantage de faire prendre une perspective de faire un sujet sur l'évolution de quelque chose. D'accord. D'accord? Alors que Temporium, par exemple, va faire les Templiers. Concordance des temps va faire l'évolution du système bancaire des Templiers jusqu'à nos jours. D'accord. Vu que les Templiers, c'était quand même un grand système bancaire à l'époque. Ouais. Là, je l'invente complètement à ce sujet, hein, je suis pas tombé dessus, mais par exemple, il y avait les Allemands et leur monnaie. Ça paraît être un sujet vachement chiant, hein, dit comme ça, Et c'est les Allemands et les monnaies. exactement ce que je viens de Déjà, faire. Je fais, d'accord. tu mets les Allemands déjà dans un sujet, de base tu penses Arte, ça a pas l'air intéressant comme ça, à moins que ça soit un truc sur la Seconde Guerre mondiale, parce que c'est toujours intéressant un truc sur la Seconde J'aime Guerre bien les mondiale. trucs là, moi. Pas Ouais, moi forcément de la aussi guerre, j'adore. mais moi j'adore les trucs sur les pays. Oh non, mais c'est pas possible. Pardon, je peux pas dire Oui, ça. vas-y. Vous allez vraiment croire en fait Sur que les pays dictatoriaux, c'est ça? ouais, Dans les j'aime régimes bien les trucs dictatoriaux. sur les pays de l'Est et puis j'aime bien aussi les vieux Corée trucs. du Nord. Les vieux trucs sur avant la chute du mur, tout ça, tu vois. Oh putain. Bon, non mais sinon des Non, fois mais je je comprends rigole. tout à Non fait, mais hein, si je sinon des fois ton j'ai ta le passion pour ce genre de choses. je suis de bonne humeur hein, quand même. Enfin, je veux dire Oui, on on dirait pas dirait comme pas comme ça, ça. mais. Et puis j'avoue quand même que j'ai une curiosité peut-être pas morbide, mais Morbide. Ouais. alors Chelou. tout ce qui est à voir avec Tchernobyl me fascine. Voilà, ça c'est dit. Je ne sais pas pourquoi, mais je trouve ça passionnant. Et j'ai vu un documentaire il y a pas très longtemps. Le documentaire est vieux, mais sur comment la nature a repris ses droits à cet endroit-là où finalement c'est déserté. Ah, Ouais. Pripyat et autres là. Et les animaux, l'évolution, tu vois, comment après d'une génération à une autre, parce que par exemple la souris se recycle bien plus que l'humain, quoi. Nous, il va nous falloir un temps inimaginable pour évoluer puis pour s'adapter, alors que la souris, elle est déjà en train de le faire, les arbres sont en train de le faire et tout. Et ça, je trouve ça fascinant en fait. C'est la partie là, hein. C'est pas les gens qui meurent, quoi. Je suis pas complètement Oui. mordu. C'est qu'est-ce qui se passerait si on disparaissait? Ouais. Il y a une série de documentaires d'ailleurs comme ça, une série de documentaires américains, donc bon, ça vaut ce que ça vaut, où justement ils font une simulation à tel endroit de ce qui se passerait 5, une semaine, 10 ans, 50 ans, 100 ans, 1000 ans, Sans 2000 l'homme. ans, 10 000 ans, après qu'on ait, si on disparaissait du jour au lendemain, si tous les humains, pouf, il y en avait, on était rayés de la carte, donc pas une explosion, pas un machin, juste on disparaît, on laisse les trucs tels quels, qu'est-ce qui se passe? Ouais, Et c'est c'est vachement très intéressant. intéressant. Au bout de combien de temps les immeubles Ça fait s'écrouleraient penser un petit peu à au truc que t'as avec Darwin, l'évolution des espèces et tout ça. Ça, c'est des choses que je trouve fascinantes. Bon, bref, donc. Bah, disons que c'est à l'avantage de pouvoir simuler des futurs possibles. Ça, j'adore simuler des futurs Ton possibles. papa, quoi? Alors, on Oui, y donc revient. il m'a fait découvrir Voilà, ok, Concordance des temps. concordance des temps. Bah écoute, moi je connais pas du tout. Voilà, un podcast de France Culture Ok. de mémoire. On ira peut-être écouter ça. Bah, au final, c'est sous la forme d'une discussion entre le présentateur et un expert. Contrairement à Affaires Sensibles où tu as un côté reportage et après tu as une discussion. Ou Temporium où c'est deux personnes qui présentent un sujet. Là, c'est vraiment une discussion. Bon, on sent évidemment qu'il y a un peu de préparation avant de la part de l'animateur pour guider un peu son expert vers où il veut l'emmener. Mais c'est vraiment sous la forme d'une discussion en tête à tête. Ah, placement produit. Et en soi, c'est vraiment intéressant. Donc je le Ok. recommande. Oh bah finalement on aura quand même placé deux trois podcasts. Très peu, Bah bizarrement. ouais, je savais un petit peu qu'en discutant de ça, on n'allait pas pouvoir. C'est pas comme si je venais demander, hey, t'écoutes quoi comme podcast? Là, je suis partie autrement, je suis partie avec un sujet, et puis je me suis dit, on arrivera bien dans la discussion. Ah, Ah ben il y de a toute toujours un truc façon, de au tout. final, on finira toujours par parler d'un podcast, hein, Ah bah c'est si toi et obligé. moi on parle ensemble, oui. Hein? Voilà. Et vu les gens que t'invites, c'est un peu obligé aussi, quoi. Ouais. Mais si je parlais que de podcast, tu vois, attends, laisse-moi finir. Ça Si je tournerait en parlais rond. que de podcast, si je venais faire la speakerine du podcast en vous disant il y a ça et ça et ça, écoutez. Putain, on se ferait chier, non? Hein? Ben, ça dépend. Ça dépend. Si ça dure que 15 minutes, ça va. Oui. Si après tu fais 3 heures, c'est chiant. Mais 15 minutes, c'est Ouais. très bien. C'est un petit journal des infos. Mais dans pas longtemps, vu qu'il y a quelques podcasts sur le podcast qui se font, et ça devient de plus en plus la mode, et c'est pour ça que c'est pas mal que t'aies divergé vers le tête à tête, Ah ouais? un jour je vais faire un podcast qui fait l'actualité des podcasts de podcasts. Tu déconnes. Pour le fun, j'en ferai un. Il faut. Sinon, Péremptoire va me battre sur la finish line. Donc là, c'est bon, j'ai noté, Péremptoire, il peut plus me battre. On est le mardi 26 janvier. Voilà. Péremptoire, si un jour tu as l'idée, eh ben, ça sera trop tard, je l'ai eu avant D'accord. toi. Voilà. C'est noté. Conclusion? Est-ce qu'il y a vraiment besoin de faire une conclusion? Conclusion? Il n'y a pas de conclusion. Conclusion, il n'y a pas de Est-ce qu'on conclusion, en fait un fait. montage? C'est. Ah, attends, je vais faire comme. Alors. Non, mais attends, on va se faire de l'auto-promotion, là. Oula. Est-ce qu'on est tous d'accord pour publier ce qu'on vient d'enregistrer? Est-ce qu'on est tous d'accord pour qu'il n'y ait pas de montage? Si quelqu'un a une objection, qu'il en parle tout de suite, qu'il s'avance ou qu'il se taise à jamais? Ou se taise à jamais. Vous savez pas de quoi je parle, ben vous allez écouter SM, le sandwich micro-podcast. Non, c'est sandwich et microphone, tout Ah, le simplement. sandwich et microphone. Le C'est tout. Alors podcast. pourquoi sandwich et microphone? On peut manger autre chose que des sandwichs, hein, c'est juste parce que ça faisait SM et que ça me Exactement. faisait marrer et que ça fait vendre. C'est clair. Et puis j'aime bien le principe de dire à tout le monde bon, vous venez à la soirée Oui, SM. moi j'aime beaucoup aussi, ça me fait Ça me bien fait rire. particulièrement marrer. Surtout quand après sur Twitter, il y en a deux trois qui font ouais, non mais moi ce soir c'est soirée Et SM. tu vois Tu ceux vois, qui osent et ceux qui rien que osent pour pas. ça, c'est marrant. Ceux qui osent, ils marquent juste Aussi, oui. ça. Et ceux qui osent pas, ils Et l'autre, écrivent. ils mettent sandwich et Ouais, microphone. ouais. C'est un nouveau podcast avec un épisode zéro. Oui, ouais, c'était un petit pilote pour tester un peu. J'avais pas particulièrement prévu de sujet et tout. Et donc, Juste, le but, c'est qu'on se voilà. rencontre entre podcasteurs, mais pas forcément. Des fois, il y aura peut-être des fictionneurs. J'espère en attirer quelques-uns qui font des sagas MP3 parce qu'on fait un boulot qui est pas très très Et pourquoi loin pas l'un de des l'autre. autres personnes, juste des gens? Pourquoi forcément que ce soit Eh des bien, pour podcasteurs? il n'est pas Du impossible moment qu'ils ont un que micro. ma copine un jour vienne manger avec nous. Ouais, mais enfin même des autres. Ça Non, je sais pas. Quelqu'un qui voudrait s'incruster, non. Non, c'est. peut un auditeur est Bah oui. bienvenu par T'y exemple, penses pas, toi? Vous y pensez? mais j'y ai pas pensé là maintenant en parlant, mais effectivement j'ai déjà eu l'idée. Mais le problème c'est que les auditeurs, il faut qu'ils aient Ils un ont un, micro. ouais, il faut qu'ils aient un micro, mais y en... C'est chaud. Ouais. Non, il y en a plein qui ont des micros. C'est juste qu'ils osent pas. Oui, c'est possible aussi, oui, aussi. Oui. Mais après, on peut aussi venir et pas parler. C'est ça le. C'est le premier podcast où on peut venir et pas parler, c'est pas grave. Alors ça, c'est du concept, hein. Bah oui, mais comme je t'ai dit, tu peux. Si tu disais je sais pas trop quoi dire, je fais bah c'est comme un dîner normal. Il y a des fois, bah t'as Oh, tu mais juste c'est tu viens et génial! t'apprécies Donc la le. prochaine fois, je viens et je vous T'apprécies préviens, la je fais la présence des gueule. autres. Oh non, non, mais j'ai pas dit un dîner de merde. Si. On est censé être là dans la bonne Dans humeur. la bonne humeur, mon. Mais oui, bien sûr. T'as vu, j'ai pas dit. J'ai failli dire. Ouais, non, tu t'es arrêté à temps. Ouais. Alors, on te retrouve où? Ben, on me retrouve sur Twitter, on me retrouve dans mon canapé, dans ma voiture, en train de vous écouter, 3/4 du temps. Voilà. Ah bah c'est cool. Moi je vous dis à la prochaine. Si vous voulez venir donner votre avis, discuter, je sais pas trop quoi. Passez une bonne Bref. après-midi à discuter de sujets complètement random, juste parce que ça vous pète. Vous venez dans un tête-à-tête Venez dans la avec tête à moi. tête avec Karine, on passe une bonne après-midi. Calé devant le microphone. Ça marche pas comme ça, Phil. Non? C'est dommage. Non, j'aime bien un petit peu quand même faire connaissance avant. De passer l'après-midi avec quelqu'un, je sais pas un point de détail, Faut lui payer un mais non resto sans avant et moins tout, c'est. rien qui a son importance pour moi. Donc sur Twitter, vous me retrouvez, c'est @kikrine, KIKRINE, et puis sinon, voilà, c'est bien ça. Oui. Merci d'être venu. Eh ben, de rien, c'était cool. On a passé une bonne après-midi. On se dit à la prochaine fois, et puis À la prochaine. on peut couper. On coupe. Bye bye. Toutou. Bon, sinon, on n'avait pas une émission enregistrée. Oui. Oh, Ah, mais tu sais je suis comment en je suis, train de moi. m'affaler dans le canapé. J'aime bien discuter. Bon. Merde, je suis en train de. À chaque fois, ça me fait la même chose. Je veux dire le numéro du TAT et, à chaque... et je sais jamais où j'en suis. Il y a Peut-être un truc qui 7. s'appelle Pod Club. Peut-être 7. Hein. Donc, Alors. tu avais un sujet. Parce que Ouais. tu lances toujours un sujet, ce qui est en fait une espèce d'embrouille, hein, pour qu'on vienne, et puis après on va parler d'autre chose. C'est ça. Ça, Oh, c'est. il était génial ce bruit. Quoi, c'est un camion qui est passé. Ah, ça faisait un truc chez moi. Alors, viens. Non, pas toi. Ah, parce que je suis toujours là. Oui, Donc, c'est bizarre. puis si je veux venir physiquement, il va me falloir bien quelques heures. Hein. Un sacré paquet d'ailleurs, mais. Non, mon mari vient de rentrer. Donc, attends. Ah, donc du coup, faut que je te laisse. Mais non, je vais te le présenter, t'es con. Nicolas, je te présente Phil. Bonjour Nicolas. Bonjour Phil. Alors Phil, il faut faire connaissance. Moi, j'ai enlevé le casque, donc j'entends pas ce que vous dites. Ah, c'est malin. Oui. Ça va, c'est pas trop dur? Bah, écoute, pour l'instant, ça va bien. D'accord, Mais les parce que mains moi, perturbateurs, tu sais. ça fait que depuis 14 heures, j'en peux plus, elle m'épuise, quoi. Je parle tout le temps et tout. Comment tu Ouais. fais? J'essaye de me déconnecter de temps en temps. C'est vrai qu'elle parle beaucoup. Ah, mais que ça, quoi, Mais elle aime Et en bien, plus, elle tant pis. rigole, elle sait pas trop ce Elle qu'on dit, rigole c'est beaucoup pratique. aussi, oui. Aussi, oui. Mais ça va, c'est pas trop dur de la partager aussi sur le monde du podcast? Bah, j'ai pas trop le choix. Oui, ça, Je je suis m'y suis étonné, fait, tiens. quoi. Ouais, que t'aies pas le choix, je tombe des nues, tu vois, je... Ouf, Ah, c'est je m'y horrible, moi attendais j'entends pas. pas ce que tu dis. Je disais que j'avais pas le choix. Je J'ai pas le te choix, laissais quoi? faire tes podcasts. Bah, j'ai pas le choix. Non, c'est pas vrai. Comme si j'avais besoin d'avoir une... Mais non, mais d'avoir le choix. Elle aime bien ça, Ou pas donc le je la choix. laisse faire, si elle a envie de faire Ah ça. bah oui, C'est son truc. Mais il paraît que jamais t'as écouté. C'est vrai. Jamais t'as eu jamais la curiosité d'écouter 5 minutes. Non. Parce que ça me passionne pas plus que ça. Que ce Ouais, je soit sais pas, parfois. elle ou les autres, ça... Ouais. Je suis pas Mais je sais pas, dedans, par quoi. curiosité, quoi. Ouais, même si je suis pas dedans, c'est pas... Parce Voilà. que... Ouais. Alors, vu que je t'ai sous la main, je te pose la question, parce qu'il y a des théories qui circulent, comme quoi, en fait, en vrai, t'aurais écouté, mais que tu l'aurais jamais dit. Non. Est-ce que tu démens cette Je information? dément. Ah, ok. Bah, je pourrais dire que tu démens l'information, Oui. alors. Parce que le doute subsistait. Si tu veux, j'ai écouté 2-3 briefs comme ça, mais sans plus, que j'ai jamais écouté un épisode complet. Ah, d'accord. Deux, Non, trois mais briefs de voilà, quoi? ma question, c'était 2-3 bribes. D'un podcast ou de moi? Non, de moi, t'as jamais écouté, t'as dit. Bah, vite fait, mais je t'avais même pas reconnu la première fois. Quand tu m'as fait écouter une fois, j'avais même pas reconnu que c'était toi qui parlais, déjà. Oui, mais on prend une voix différente quand on parle au micro, en C'est fait. vrai. On a cette voix d'acteur, entre guillemets, ou de speakerine, ou de, je sais pas, ça dépend. On dit la voix de podcasteur, du coup, quand Voilà. on fait du Comme podcast. si tu Donc, jouais un rôle, quoi. ouais, c'est le mode représentation, c'est ça. Donc c'est pas vraiment nous, en fait, ça permet de mettre Ah une non, distance quand aussi. même. Oh, c'est bien. Mais c'est sympa, ouais. Et puis on est une bande de petits rigolos, on s'entend bien entre nous, il y a aussi ça qui est important. C'est ce que j'ai cru comprendre. Oui. Mais c'est bien si vous vous éclatez avec ça. Moi, j'ai aucun souci avec ça, quoi. Bon, je vais vous laisser Bon. terminer votre Ok. enregistrement. Bon, je veux pas que tu nous Bah, saoules, mais c'était tu bien nous saoules, sympa. hein? Oh, de Pas dit suite. ça. Ah non, j'aurais même pas pris les écouteurs si j'avais pas eu envie. Oh, c'est kidnapping que je viens de te faire. Un peu, ouais. Eh ben, écoute, Non, j'avais mais pas heureux fait d'avoir attention. fait ta connaissance, ma foi. Et ben de Enfin, même. votre, presque tout le monde entendra ça. Oui, votre connaissance, mais j'ai pas joué avec une seule personne, hein, donc C'est ça je vais toute la pas le vous difficulté. voyez. C'est ça toute la difficulté, c'est qu'on parle à plein de personnes qui sont pas là. D'accord. Alors, je parlais de tous ceux qui écoutaient. Bon, j'ai déjà du mal de parler avec ceux qui sont là, alors avec ceux qui sont pas là, ça... Ah oui, non, mais c'est. Ce Au qui est moins, très bien, l'avantage, vu que c'est moi je que parle tout le temps. eux, on supporte pas leur regard, Voilà. ceux qui sont pas là. C'est vrai, oui, c'est vrai. C'est pratique. Bah, ma foi, bonne continuation. Et Ben, puis merci. peut-être à une prochaine. Et ben, à une prochaine. Ça roule. Bye. Tchou! Ah, je reprends mon casque, j'avais froid aux oreilles.